c'est Wrestles Radio spécial Late Night Wrestles avec Rubenito. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, un numéro spécial WrestleMania. Alors aujourd'hui, c'est un numéro seulement enregistré parce que vu les soucis techniques qu'on a eu ces derniers temps, on a préféré assurer le coup en ne vous proposant pas un truc qui aurait lâché au bout de 30 secondes comme le live pré-show de WrestleMania dimanche. Donc pour ceux qui étaient là, on tient à s'excuser. Et pour ceux qui n'étaient pas là, bah, vous n'avez rien raté. Donc c'est cool. Pour m'accompagner dans ma tâche ce soir, il y aura le patient numéro 101764, 101765, 101766. C'est-à-dire les trois spectateurs de plus qui n'ont pas pu rentrer dans l'AT&T Stadium de Dallas. Le premier, pourtant, il a fait du forcing parce qu'il y avait DDP qui était présent en plus. Donc le mec, il a dû lécher les grilles pour pouvoir rentrer, mais il n'a pas réussi. C'est Renaud. Bonsoir, Renaud. Bang! Bonsoir Benito, bonsoir à tous. J'ai un sale goût dans la bouche là, d'avoir léché les grilles. C'est pas bon ça. Le deuxième donc était le patient numéro 101765. Et lui, c'est un grand fan des Cowboys de Dallas, je sais, devant l'éternel. Et donc il rêvait de mettre les pieds au AT&T Stadium. C'est Bruce T. Bonsoir Bruce T. oui, en effet, ouais. C'est vrai que je me suis trompé. J'étais à environ 1000 km de là. J'étais au pied du stade de Philadelphie. J'ai pas compris. Il y avait rien. Je me disais, merde. Voilà, voilà. Il y avait peut-être Air Truth, non, qui catchait tout seul. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. J'étais à Little Jimmy, moi. Voilà. Je fais un petit aparté. J'ai vu une bande, une pancarte absolument géniale. Il y avait une meuf qui avait une pancarte avec marqué. Je suis sûr que Arthrous pense qu'on est à SummerSlam. Je trouvais ça, c'était trop drôle, quoi. Enfin, bref, ça m'a fait ma soirée. Et le dernier, et non pas des moindres, c'est celui le plus élégant d'entre nous. Si vous voyez sa photo de profil, franchement, ça donne envie. Hein. Il est en Starco, bien rasé. Bon, il a un peu les oreilles qui dépassent, mais bon, ça, on peut rien y faire. C'est Thierry. Bonsoir, Thierry. Salut, Rubenito. Salut, Brusty. Salut, Renaud. Et salut à tous. Salut, tout le monde. Donc on va revenir sur ce grand événement qui a duré presque 6h30, c'est ça à peu près, hein. Ah oui, on compte les pré-shows, ouais. si on compte tout ça, ça a duré à peu près 6h30, d'une valeur très inégale selon les heures et selon le sommeil qui se fait sentir, on va dire, pour nous Français, car c'était bien tard dans la nuit. Donc bon, il y a le gros main event entre Roman Reigns et Triple H, il y a le Shane McMahon Undertaker. Et puis il y a moult choses à raconter. On va se quitter quelques instants histoire d'écouter un petit peu quelques sons et de regarder quelques images, quelques photos de WrestleMania. Et on revient dans quelques instants. A tout de suite, les amis. And this is all due to the fact that the New Day always eats our booty-o's cereal. Booty-o's! They make sure you ain't booty! Nous voilà de retour à l'AT&T Stadium. On va commencer vite fait, on va passer vite le pré-show parce qu'il n'y avait rien de très marquant à part peut-être la présentation du nouveau titre Diva, qui du coup s'appelle le titre de champion du monde féminin, ce qui est beaucoup mieux que les Divas, on est d'accord hein, tous les trois les gars. Complètement. Incontestablement. Incontestablement. Coup, ça crédibilise vachement ouais. La Diva Revolution quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le design de la ceinture est exactement pareil que le design des champions du monde chez les hommes, pardon. Donc c'est très bien et elle le mérite. Donc ouais, je trouve ça cool aussi. Ouais, c'est Lita qui a présenté. Elle le mérite, mais pas toutes. Hein. Juste les trois qui combattaient dans le combat pour. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, l'autre tout à match fait, ouais. Des Diva, il n'y en avait pas beaucoup qui méritaient ce titre-là. Enfin bref. ça me fait rire parce que dans la même soirée, tu as une équipe qui s'appelle Total Diva. Et d'un autre côté, on vire le titre des divas pour mettre. Ça fait ouais. Ça montre bien qu'il y a une grosse séparation entre les anciennes et les dernières qui arrivent. Bah, ça prouve l'importance des pauvres filles qui étaient dans le pré-show. Hein. Donc, merci Renaud pour la transition toute trouvée. Le pré-show, bon, il y a eu un premier match entre Ryback et Kalisto qui a été torché en moins de 10 minutes. Alors là, franchement, on touchait le fond, hein, ça valait un superstar pour moi. Je crois que Thierry est le seul à l'avoir vu ce match avec moi. Ouais, mais ouais, franchement, je l'ai vu, ouais. C'était d'un ridicule, je trouve, ce match. Ah non, mais le pauvre titre des États-Unis, là, il est totalement. Il perd toute sa valeur. Enfin, il n'a même plus aucune valeur. Hein. Il n'en a même plus, quoi. C'est con parce qu'avec ce que John Cena a travaillé en 2015 pour ce titre-là, le Eh voir, oui, enfin, en fait, finalement, s'il n'est pas c'est autour de totalement la ça. taille d'un très bon mid-carter ou d'un main eventer, ce titre-là, il vaut rien, quoi, malheureusement. Malheureusement, oui, et c'est vrai que j'en discutais avec mes amis hier soir. On regrettait John Cena, champion des États-Unis, parce que lui, au moins, il le mettait en valeur. Ouais, mais c'est pas, enfin, un peu compliqué. Alors, il avait des excellents matchs, parce que c'est John Cena. Je pense que Kalisto serait capable de sortir des super matchs toutes les semaines s'il avait le background, enfin, c'est-à-dire s'il avait l'influence et la carrière de John Cena. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, bon, il a pas eu de chance, on l'a mis contre Ryback, donc ça donnait pas non plus quelque chose de formidable, quoi. Renaud, tu n'as pas vu le match, je crois, Si, mais est-ce si. que tu as quelque chose? Ah, tu l'as vu, pardon. Ouais, je me suis mis devant, je l'ai vu, il n'y avait pas beaucoup de personnes Derrière, tu encore. vois moins bien. Ouais, c'est ça, derrière, je vois moins bien. Mais tu sais, j'étais encore derrière les grilles, moi, à ce moment-là, Ah, donc bah oui, puis bah j'ai été comme tout toute le la monde, hein, soirée, de toute d'ailleurs, façon. parce qu'il n'y Ouais, avait voilà. personne quand le match il a commencé. Ouais, voilà, C'était c'est d'une pour très tristesse, ça aussi. énorme. Ouais, ça, c'était terrible. Et ouais, ils ont eu des problèmes, je crois, avec les billets pour entrer. Enfin, je sais plus, il y a Il eu un truc y avec la avait le Wi-Fi sécurité. qui est tombé en panne, Ouais, et voilà. c'est pour ça que nous, on est resté dehors, on n'a pas pu rentrer. C'est Wrestle Radio qui organisait le WrestleMania là-bas. Ouais, non, j'ai vu le match C'était et le même ouais. Wi-Fi que nous lors du live hier soir. Voilà, c'est C'est marrant, on exactement ça. était dans le thème finalement. Enfin bref, on a assez parlé de ça. Ouais, bah Kalisto Ryback, ouais, enfin Kalisto Ryback, celui qu'on se souvient en tout cas, c'est celui du tournoi. Quand il y avait eu le tournoi où Seth Rollins avait déclaré vacant sa ceinture parce qu'il s'est blessé au genou en novembre. Alors après, c'était pas non plus un match, attention, hein, qui va marquer l'année, qui était excellent sur 2015, mais c'était plutôt un bon match où on découvrait Kalisto en solo surtout, parce qu'il était avec Sin Cara dans la Lucha Dragons, donc c'était surtout ça, mais c'est vrai que là, non, non, on va pas faire 30 ans dessus, c'est carrément oubliable, c'est nul, y a rien quoi. On est tous d'accord. Donc Ouais, on est d'accord. on fait pas 30 ans dessus, on passe directement à l'autre match, enfin au deuxième match du pré-show, qui était un match, donc la team Total Diva contre la team Bad and Blonde. Alors là aussi c'était d'une Oh tristesse absolue, 11 minutes 30 quand même, ils leur ont laissé d'antenne pour voir. Je suis en train de compter en voyant les participantes, comme vraies catcheuses, il y en a, allez, 4, 5, allez 5. 5 vraies catcheuses ou 6, et tout le reste, c'est vraiment oh là là, les Lana, les Summer Rae, les Eva Marie, ça pique, hein, ça fait mal aux yeux. Malheureusement. ben c'est complètement ça, c'est là aussi. C'est un fourre-tout un peu à WrestleMania, c'est un peu aussi le show où tu as l'impression que les dirigeants Ah veulent oui, tu parlais d'Eva récompenser. Marie quand tu disais que c'était un fourre-tout. Bravo, oh, magnifique. Ouais, t'as pas tort. Mais non, bah c'est un peu le show où on fout ben, tous ceux qui travaillent à la WWE, quoi, un maximum. On essaye de récompenser en fait les lutteurs, donc on met beaucoup de batailles royales, beaucoup de matchs par équipe où il y a du monde. Et là, c'est le cas. Bon, ils font ça chaque année, c'est carrément oubliable. Même si j'aime bien le coup de pied en ciseaux de. Ouais, il était beau. Il était De beau, Lana. hein. De Lana et d'Alicia Fox aussi, qui était Ouais. spécialiste. Alors on passe à l'autre match qui était. Alors pour le coup, c'était un match avec 4 super catcheurs, en tout cas 2 belles équipes. Et ils leur ont laissé à eux que 5 minutes. Alors ça, c'était pareil, c'était une tristesse absolue. Le fait d'avoir 3 matchs en pré-show, mais le seul match qui pouvait être intéressant, finalement, c'est celui qui a eu le moins de temps d'antenne. C'est assez curieux les choix qu'ils ont fait, je trouve, pour le pré-show. Ouais, c'est bizarre. Donc bah, finalement du coup il n'y a pas grand chose à dire, hein, les Dudley Boys contre les Ouzos qui l'emportent en 5 minutes. C'est un peu surprenant, déjà ça annonce peut-être le thème de la soirée, la surprise. Mais moi j'aurais bien vu les Dudley Boys, en tout cas moi je les voyais perdre par disqualification en faisant finalement passer les Ouzos à travers une table, mais ça s'est pas passé comme ça. Je suis d'accord. Moi, je voulais voir les Dudleys gagner. Et c'est vrai que ça fait partie de la surprise, hein, les Usos qui remportent ce match. Mais terminer avec des tables qui ne sont pas brisées par les Dudley Boys, pour moi, c'est un sacrilège de faire Surtout, ça à bah, t'étais WrestleMania. pas le seul à penser ça, parce que le public à ce moment-là, il commençait à être bien rempli, enfin la salle Oui. commençait à être bien remplie. Et il y a une belle huée quand les Ouzos ont renversé la situation. Ouais. Ouais. Non, mais là encore, tu sens que les Dudley, bon, ben, font le job pour les jeunes, quoi. Donc, Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je trouve qu'il y a de l'abus de super kick. Ça fait plaisir de voir les super kicks. Un, deux super kicks. Allez, il y a deux ouzos, ils font leur super kick, c'est bien. Mais à un moment donné, ils n'arrêtaient pas de faire des super kicks. Ça commence un peu à devenir lourd, cette histoire. Je trouve d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de catcheurs qui font des super kicks. Et Ouais, on dirait beaucoup que c'est une de mode en ce Ziggler. moment. Hein, Ziggler en fait beaucoup, Breeze en fait. Là, les ouzos, bon. Ah, à Brise, tu considères que c'est un catcheur? Bon, d'accord. Il te les brise, toi, hein, Tyler Breeze. Non, Non, ouais. mais à la limite, je préfère ceux de Kevin Owens à choisir. Mais... Oui, j'avais zappé. Après, ils sont bien portés, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais là, sur un combat, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'abus au niveau super kick. Après, oui, j'aurais préféré moi aussi que ce soit les Dudley qui passent les Ouzo à travers les tables. Bon, voilà, comme J'aurais beaucoup de bien gens. aimé, enfin ça me dérangeait pas que les perdent, mais que le fait de perdre et qu'en plus l'après-match ils se fassent dominer, ça faisait un peu trop là, je trouve. Ça faisait un peu trop. Mais bon, enfin. Donc on va passer tout de suite à l'événement Ouais, principal, arrêtons de hein. parler Comme... de choses qui Ouais, fâchent. allez, allez, partons sur les Ouais, amis. comme ça Brosti va pouvoir parler un peu parce que j'étais pas censé vous le dire, mais s'il est muet comme Carpe, c'est pas parce que son micro marche pas, c'est parce qu'il a pas vu le pré-show. Donc honte à lui. On va lui jeter des petits cailloux dans les Aïe, yeux. aïe. Donc le premier match du pré-show, du show principal, pardon, est quand même peut-être le résultat le plus inattendu de la soirée avec la victoire de Zack Ryder contre Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, The Miz, Sin Cara et Stardust. Moi, ça, franchement, j'ai toujours du mal à y croire, hein, d'ailleurs, à ce moment précis où je vous parle, 24 heures après. De voir Zack Ryder un peu sorti de nulle part, qui était même pas prévu dans le match et qui se retrouve champion intercontinental, tu te dis, ah merde, le mec il se laisse pousser une barbe et ça lui donne de la crédibilité pour être champion alors que ces derniers temps il avait quelques victoires, mais bon, c'était pas non plus le catcheur de l'année, quoi. Hein. On va laisser Il Brosti revient de loin, commencer. hein. Ouais, Pardon. on va laisser Brosti commencer parce qu'on a beaucoup parlé pendant le pré-show, donc à toi. Bah ouais, non, c'est vrai que c'était des victoires, mais c'était à Main Event et Superstar, c'est-à-dire des trucs, des shows que Là où personne personne ne regarde, on va regarde, c'est dire, ouais. ça. Donc Zack Ryder, moi surtout, je le voyais en photo avec Emma, avec qui est en couple, en vacances, donc ouais, je le voyais bien loin de la WWE. Donc déjà, c'est sûr, c'était une sacrée sensation de le voir ajouter comme ça. Comme une fleur, sachant qu'au départ, ouais, c'était Kevin Owens. Merci Neville, ouais. Aussi, ouais, c'est vrai que la grave blessure de Neville, forcément, a libéré une place. Après, est-ce qu'elle était pour Ryder, est-ce qu'elle était pour Sin Cara, ou je ne sais pas, pour The Miz ou autre, mais c'est sûr que c'est hyper inattendu, Non, quoi. The Miz, il fait partie du build-up depuis le début du match. Hein. Enfin, depuis le début. Stardust, Ouais, non, alors, ouais, c'était. The Miz, il y était. Stardust, je pense qu'il y aurait été quand même, parce que dans les matchs par échelle, Ah oui, il est bon, quoi dire, ouais, Cody est quand c'est même sûr. bon. Non, mais c'est Et bon, clair. ça reste toujours crédible de battre Cody Rhodes, tu vois. C'est quand même un adversaire toujours un peu solide. Il se fait jamais. C'est très rare qu'il se fasse esquinter en 3 minutes, Cody Rhodes, mine Et de puis rien. ils avaient déjà dans l'idée qu'ils viennent à WrestleMania avec le petit hommage à son père. J'en suis Voilà, persuadé. oui, ça fait partie Oui, du truc. sûrement, ouais. Mais Si. après, c'était un très bon match, quand même. Mais les échanges Kevin Owens et Sami Zayn étaient absolument superbes. Malheureusement, trop bref, forcément, dans ce genre de stipule de match. Mine de rien, d'un WrestleMania à un autre aussi, c'est exactement le même schéma. Hein, parce que l'année dernière, c'était aussi le ladder match pour le titre intercontinental qui va démarrer le show avec, malheureusement, ben, le dernier fait d'armes de Daniel Bryan. On le sait après, mais voilà. C'est Oui, énorme mais de bon, voir Owens. c'est comme à l'époque le Money in the Bank, ça devient un peu. Je trouve que c'est bien, moi, d'instaurer ça, Ah oui, un c'est un match de l'échelle classique. pour le Ah, ça titre. devient un classique, oui. Ouais, je trouve que c'est cool. C'est un T'es classique. d'accord avec ça, Renaud, toi? Moi, je suis d'accord avec vous. C'est parfait pour lancer le show. Je pensais que ça allait être celui-là. Ça a été celui-là. Je suis content. Après, bon, ben, toujours pareil. Hein, dans ces genres de matchs-là, les mecs donnent tout, en tout cas ce qu'ils peuvent. Leur temps est limité parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis on retient quelques moves, le splash magnifique de Kevin Owens malgré son Ah, gabarit sur Sami Zayn qui est couché sur une échelle, franchement c'est une image incroyable. Le replay, le ralenti est fou quoi. C'est hallucinant. La descente du coude aussi de Ryder sur le Miz. ouais. Non, mais Ryder, il a fait un super match, hein, en Ouais, dehors Ryder. de sa victoire, Ouais, honnêtement. ouais. D'ailleurs, j'ai C'est le trouvé premier bien. à placer son finish. Non, j'ai trouvé pas mal le match de Ryder. Et puis cette T-bone suplex de Sami Zayn sur Kevin Owens Ouais. qui reste complètement mort dans son échelle à Ah, la fin. magnifique, hein. Ouais, c'était vraiment magnifique. Non, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ça démarre super bien le show. C'est le match parfait pour commencer à Non, mais WrestleMania. pour moi, il y a même deux très beaux spots de Sin Cara. Quand il se fait basculer des échelles, la première fois, il rebondit sur la troisième corde il fait un saut périlleux sur tout le monde à l'extérieur. Et la deuxième fois, pareil, il va pour prendre la ceinture, il se fait basculer, et finalement, ça se transforme en splash à l'extérieur sur une échelle. Enfin, les deux spots de Sin Cara importants, ils peuvent dire merci à Unico quand même, parce que je suis pas sûr que Mystico, à l'époque, il n'en aurait pas botché un des deux. Ouais. Il aurait peut-être manqué la corde sur le premier. Sûrement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Et je retiens, j'ai du mal justement à retenir les bons moves parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils ont été assez originaux dans leur façon de placer les moves d'habitude. On les voit arriver un peu les spots dans ce genre de match. Et là, j'ai bien aimé le fait qu'on ne s'attende pas. Il n'y avait pas vraiment de dominant comme souvent. Et souvent dans les matchs comme ça, tu as un mec qui domine et puis les autres essayent de le faire tomber. Et là, non, c'était pas. La construction, elle était cool, je trouve. Et puis c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup utilisé les échelles, surtout en altitude, avec, comme vous l'avez déjà dit, des finishers qui ont été appliqués à chaque fois depuis le haut de l'échelle. C'était assez impressionnant quand même. Et puis aussi, chacun a eu sa part. Il y a aussi un move que j'adore de Sami Zayn qui lui est plus terre à terre, c'est façon de parler, c'est la Blue Thunder Bomb qui est absolument superbe. Il l'avait placé, ça me donne l'occasion d'en parler, sur Shinsuke Nakamura 2 jours avant, lors d'un match énorme à NXT, dont malheureusement on n'avait pas pu parler à cause des problèmes techniques, mais c'est un match qui est à voir aussi. C'est quand même des prestations individuelles qui sont très intéressantes, à part Ziggler que j'ai trouvé un peu en retrait quand même. Un peu effacé. Pareil. Ouais, il a eu sa période où super kick, donc ça n'a pas dû plaire à Renault. Et il a été... C'est vrai qu'il a été un peu éteint au fil du match. Même Demise, il a le spot final qui est sur lui, mais il fait pas grand chose dans le match. Hein. Ah oui. Il place un skull crushing finale et c'est tout, quoi. Et, ouais. Et sinon, ouais, ben Ryder, bravo à lui et son père qui se précipite pour le féliciter. C'est quand même une sacrée image. Et puis dans une interview après match en coulisses, il dit je peux prendre ma retraite maintenant, c'est bon, j'ai accompli mon rêve. Et il parle du fait que Razor Ramon lui avait posé. Le titre intercontinental sur l'épaule à une époque où il avait gagné et du coup il fait une pause photo où il met son titre intercontinental sur l'épaule de Scott Hall. Ah, c'est la classe. Un peu clin d'œil. Je sais pas si c'est vous l'avez vu, on la mettra, on essaiera de la mettre dans le visuel de la vidéo. Donc si vous nous écoutez, que vous êtes en train d'être sur Facebook, venez vite sur la vidéo pour voir la photo. Ça fait du boulot pour Brusty qui fait le montage, ça c'est cool. Pour vous, le move du match, donc pour toi Renaud, c'est le splash de Kevin Owens. Ouais, quand même, ouais. Et pour toi Thierry, si tu devais retenir... La T-Bone suplex. Ouais. La T-Bone suplex, ah ouais. Et pour toi Brusty pareil que Thierry. Ouais, j'adore ce move. Et moi, tu vois, ça reste quand même le rebond de Sin Cara sur la troisième corde, j'ai trouvé ça... ça c'est cool, c'était bien. Ce qui prouve justement que tous les spots sont cool. Ouais, c'est cool, on a trois idées différentes. Bon, Brusty, on sait qu'il a pas de personnalité, il va forcément suivre quelqu'un. Une fois, j'ai pas choisi Renault, remarquez. Il est fan du PSG depuis 2011, donc on va voir maintenant ce qu'ils vont faire avec Ryder, hein, au Benito. On va voir. Ouais, voilà, on va voir. Hein. Pour lui, mais c'est bien parce qu'il avait... Déjà, j'ai l'impression qu'il a perdu un œil pendant le match parce que dans l'interview d'après-match, il avait un œil un peu fermé. Ouais, c'est plus le même œil. C'est vrai. Mais ce mec-là, ils l'ont vraiment laissé sur le côté de la route à une époque où il était assez over avec les fans et Internet. Et il est toujours, hein, puisque quand ouais, bien sûr. Où t'as... Ah, ouais, bien sûr. Les gens, ils ont explosé d'ailleurs hein, quand c'est lui qui a chopé la ceinture, franchement. Plus que dans le main event, sans spoiler. Un peu plus que dans le même mais sinon, donc on va passer au... Sinon, juste, oui rajouter, en fait, ils ont décidé de mettre la rivalité Kevin Owens-Sami Zayn sans ceinture en jeu. Prochainement, on sait qu'ils vont s'affronter, mais ça sera sans ceinture, finalement. C'est pas grave, ça c'est... franchement, il n'y a pas besoin d'une ceinture pour avoir une bonne rivalité. Hein. Déjà, Kevin Owens, normalement, a droit à son match revanche. Ouais, logiquement, voilà, c'est le champion, déjà. Donc déjà, il a le droit à un rematch. Est-ce que ça va être ce soir? Est-ce que ça va être prochainement? S'il faut, ça va être je pense qu'il va l'avoir à Raw. On va continuer, alors on va pas faire le show dans l'ordre, hein. Vous savez que moi j'aime bien faire des climax, donc on va passer à un match qui était assez important, enfin, en tout cas très attendu, c'est le Brock Lesnar contre Dean Ambrose, un street fight, enfin no holds barred, c'est pareil quoi. un match qui a duré 12 minutes 49 et qui la victoire de Brock Lesnar sur Dean Ambrose après 13 souplesses, je crois, non, c'est ça? Oui. 13 souplesses, c'est ça. Donc, il n'a pas battu son record de SummerSlam sur John Cena, mais quand même 13 souplesses. Et donc, Renaud, je vais te donner la parole en premier parce que tu as un avis assez tranché sur ce match-là. Je crois que c'est ta déception de la soirée, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, par rapport aux attentes, c'est ma grosse déception de la soirée parce que, bon, après, ils sont chacun dans leur rôle. Lesnar et Ambrose sur ce match-là. Lesnar en destructeur qui n'a pas besoin d'armes pour arriver à ses fins, quoi. Lui, c'est les German Suplex à chaque fois, Suplex City. Et puis Ambrose, lui, en fou furieux, outsider du match, qui se sert donc des armes pour essayer de venir à bout de la bête. Mais j'aurais aimé un peu plus de surprise. Je trouve que ça reste assez soft. Bon, les coups de Kendo Stick sont bien sûr portés très fort de la part de Dean Ambrose dans le dos à Lesnar. Tout ça, mais enfin, No Holds Barred, quoi. Je veux dire, franchement, quand tu regardes les No Holds Barred dans l'histoire, ou même comme tu dis, les Street Fight, parce que c'est, voilà, c'est la même histoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, on est à WrestleMania, c'est hyper soft. Je préfère largement me taper le Lesnar CM Punk, par exemple, qu'ils avaient fait au SummerSlam. Pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est clair. Ben, voilà. Là, déjà, Lesnar qui commence, enfin, je veux dire, qui à chaque fois fait ce truc German Suplex. Ça commence un peu là aussi. Tout à l'heure, je parlais des super kicks, mais là pour Lesnar, moi, ça commence un peu à me saouler cette histoire de German Suplex. Ce mec est capable de faire beaucoup de choses. Alors, ça fait partie du perso, je le comprends très bien. Ça me dérange pas d'avoir quelques-unes. Mais là, on est à compter le nombre de German Suplex. Ouais, c'est mais, chiant. Ouais, mais non, c'est, mais en fait, c'est pénible. Faut voir franchement. Que moi, j'ai bien aimé. Donc, je fais une petite aparté il y a pas longtemps. Vas-y, je t'en prie. J'ai lu une interview de Paul Heyman où il parle justement des German Suplex et ils disent, mais enfin, la question c'est comment ça se fait que ce move aussi basique, entre guillemets, est aussi over quand c'est Brock Lesnar qui les porte. Et lui, il dit que peu importe la prise, même une prise de tête, comme dirait Guy Auré, même une prise de tête, même un vieux rest hold, s'il est bien booké, s'il est bien mené par le bon mec au bon moment avec le public qui suit. Ben, ça peut devenir le move le plus divertissant du truc. Et là, la German Suplex, quand tu vois que quand ça arrive à 10, tu as 100 000 personnes qui font ten, ten, ten, alors qu'à la base, c'est quand même Dean Ambrose qui est plus soutenu, quoi. Enfin, je trouve que ça montre quand même la puissance du personnage de Brock Lesnar. Tu vois Bien sûr, non, mais sur ce point-là, je suis le premier à réagir, à voir très bien que ça marche et tout. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est qu'à partir de maintenant que ça commence un peu, personnellement, à me saouler, quoi. Je trouve que Lesnar a beaucoup plus de prise dans son répertoire. Et là, il est vraiment en mode, je fais des German Suplex. Je veux dire, les matchs de Lesnar, maintenant, c'est à quoi s'attendre. Enfin, qu'il en fasse 4-5, déjà dans un match, 6, allez. Putain, mais après, ça fait quand même long, quoi. C'est pénible. Moi, j'ai trouvé ça pénible. Bon, après, celle qui fait, quand ça tombe sur les chaises, c'est un gros move. Voilà, c'est pas mal marquant, mais à part ça... Non, mais il n'y en a pas une qui tombe sur les chaises, puisqu'il passe par-dessus, sur les... en fait. Non, mais je veux dire lui est... Lui, il tombe je me suis mal exprimé, ouais, c'est ouais. Ça. Je me suis mal exprimé, c'est lui qui tombe sur les chaises, ça prouve aussi à quel point le mec s'en fout, mais enfin voilà, c'est. Je sais pas vous les gars, mais moi ça a été vraiment ma déception de la soirée. Est-ce qu'il y en a un qui a aimé le match ou est-ce que tous les trois vous êtes déçus? Non, tu me prends pour un sadomaso ou modérément déçu, on va dire. Parce que. Ah. Donc t'as modérément apprécié. Ouais, ils ont quand même une qualité intrinsèque qu'ils ont pu démontrer, donc c'était. Plus ou moins bien, après c'est la longueur que je critique parce que j'ai l'impression qu'ils pensaient qu'ils étaient partis pour 20 minutes et du coup ils n'ont pas pu mettre tout en place et les armes que sort vraiment à la fin Dean Ambrose, c'est vraiment, je sors la batte de fil de fer barbelé de Mick Foley comme ça, je sors la tronçonneuse comme ça que Terry Funk lui avait donné, enfin voilà, c'est vraiment... pour décorer, sinon c'est uniquement les chaises et la kendo stick qui sont en activité. C'est vrai qu'il aurait dû avoir plus d'armes, c'est nécessaire quand même. Il devait bien avoir une petite table sous le ring encore, mais ouais, c'est ça, oui. Qui est décevant. Sinon, ils ont gardé après la caisse à outils pour un autre match, ouais. C'est vrai, ouais. Mais non, mais voilà, c'était il y avait plus d'outils dans un autre match que là, donc déjà, mais. Voilà, après ils ont fait les choses correctement. Après, c'est vrai que ça n'a pas été dans la folie attendue, mais voilà, c'était correct. Après, le problème, c'est que tout le booking du match a été fait sur le fait que Ambrose allait utiliser tous les objets possibles et imaginables. Et en fait, notre déception, je pense, qu'elle vient du fait que finalement, il n'a pas fait ce qu'il avait dit, quoi, en gros. Hein. Ah oui. Bah, il a utilisé que deux armes. Donc, ouais. Voilà, t'es d'accord avec ça, Thierry aussi? Ouais, bah vous avez tout dit, tu as justement sorti la phrase que j'allais justement sortir aussi. Ils nous ont très bien vendu le match avec toutes les armes qu'il aurait pu utiliser pendant ce pay-per-view, mais malheureusement, il n'y en a eu aucune. Donc, grosse déception dans la durée et dans le contenu. D'accord. Ben après, moi, il y a quelque chose qui me gêne. J'en parlais avec vous tout à l'heure, mais il n'y avait pas encore Brusty quand on en parlait. C'est que là, on a l'impression que peu importe l'adversaire de Brock Lesnar, la seule manière de prendre l'avantage sur lui, c'est de lui mettre un coup dans les parties. Et moi, ça me gêne vraiment, quoi, de pas trouver autre chose dans le booking du match pour arriver à prendre l'avantage sur Brock Lesnar, ben, peu importe oui, ce que c'est. C'est vrai que... Tout à l'heure, en rigolant, je parlais, genre tu fais tomber Paul Heyman. Pour que Brock Lesnar se précipite sur lui, et là tu peux lui mettre un coup par derrière. Enfin, il y a d'autres choses à inventer qu'un coup dans les parties, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça qui est gênant. Alors, quand c'est. Excuse-moi, Brosti, ce que je disais, c'est que quand c'est Ambrose qu'il fait, ça me gêne un petit peu, mais pas trop. Mais quand c'est l'Undertaker qu'il fait, ça me gêne beaucoup plus déjà, tu vois. Non, mais c'est clair, c'est que depuis que Brock Lesnar est revenu à la WWE, c'est vrai qu'il a cette image d'invincible. Après, c'est vrai que c'est un monstre. Mais quand on se souvient de son premier run où il était aussi assez invincible, t'avais quand même des mecs qui s'opposaient à lui vraiment. Voilà, bon après c'était du carton. Complètement, complètement. Mais quand même, aujourd'hui il y a quand même de gros athlètes aussi. Hein, donc, il y en a eu quand même. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que le mec est passé par l'UFC tout simplement. Hein. Donc à partir du moment. Attendez, les gars, depuis qu'il est revenu quand même, il y a eu des grosses confrontations contre CM Punk, Triple H, John Cena. Ils n'ont pas utilisé. Des lobos, non, tu vois. Non, moi, je non. parle depuis, en fait, depuis sa victoire contre Cena à SummerSlam, il est vraiment booké comme un mec que tu peux pas. En fait, tu peux plus le battre si tu triches pas. En gros, c'est ça, quoi. Et moi, ça me gêne un petit peu, mais bon, après, voilà, c'est son perso, c'est comme ça, hein, mais. Ouais. Renaud, toi, tu es pas d'accord. Non. Je dis ouais, mais sincèrement, je suis d'accord avec toi. Mais. Enfin, de toute façon, quand il est revenu en 2012. Donc. Il est revenu déjà avec ce passé au du UFC. Roi après WrestleMania. Ouais, c'est exactement ça. Puis après, il a affronté Cena à Extreme Rules et il avait mis en sang et tout. Tu sentais déjà que c'était, on était dans un autre style de match, quoi. Le mec, il est revenu différemment. Même, il est revenu avec ses habits du UFC, avec ses sponsors sur les shorts. Enfin, tu sens bien que le mec, il est complètement resté dans son délire. Et de toute façon, il est là pour l'argent. Il a toujours dit, il le cache pas. C'est plus du tout le même Lesnar que parlait tout à l'heure Brusty, qui était là et qui était un catcheur en fait. Là maintenant, c'est un gars qui est passé par les matchs en cage, qui a tout détruit là-bas aussi, qui s'est fait un sacré palmarès là-bas. Donc, il est vraiment dans ce nouveau mode. Et je trouve qu'il est un peu enfermé dans son personnage. Voilà, c'est un peu ça que je regrette. C'est que là, ça commence à faire un petit peu long, quoi. Et ça prend encore plus, comme tu dis. Malheureusement, maintenant, c'est carrément, faut aller faire des prises interdites et tout pour pouvoir battre Brock Lesnar. Ça serait un peu mieux qu'on tienne tête à Lesnar. Alors, c'est sûr qu'Ambrose était bien sûr outsider. Ça, y a pas de souci. On le voit très bien, même physiquement. C'est clair et net. Mais j'aurais préféré. Voilà, qu'il lui tienne un peu plus tête et qu'il aille un peu plus au bout de ses idées, Dean Ambrose, parce qu'au final, il a parlé pour rien. Oui, je suis assez d'accord. Après, moi, j'ai une petite gêne vis-à-vis d'Ambrose, mais ce n'est pas la première fois. Je trouve que le personnage est excellent. Dans le ring, il est très bon, mais je trouve que ses coups, il manque d'impact. Je trouve que, je sais pas, il dégage pas une sensation de force ou de puissance. C'est un paradoxe. Alors que, par exemple, Seth Rollins, qui est taillé à peu près comme lui physiquement, t'as l'impression que quand il porte un coup, ça fait plus mal que quand c'est Ambrose, quoi. Il y a quelques moves qu'il place qui sont pas mal, mais après, je trouve que ça manque quand même pas d'intensité, mais t'as un sentiment de puissance. Alors contre Brock Lesnar, c'est encore plus flagrant, tu me diras. Mais... On va tout de suite passer au segment du Rock qui, avec le retour de John Cena, a complètement décrédibilisé la Wyatt Family. Avec un match contre Eric Rowan de 6 secondes, donc il était là pour battre des records, puisque c'est lui qui a annoncé qu'on n'avait pas pu rentrer, donc ils étaient que 101 763 dans le stade, qui est le record historique de la WWE pour un pay-per-view. Bon, le record est un peu atténué aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'était finalement un petit peu moins que ça, mais ça reste quand même la plus grosse affluence de tous les temps à la WWE, et WWF compris, hein. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, Renaud, je vais te lancer là-dessus parce que tu es énervé, tu en as marre qu'on maltraite la Wyatt Family. Tu avais allumé ton portable, bon, tu étais à l'extérieur du stade, mais tu avais allumé ton portable quand oui. La Wyatt Family est rentrée. Voilà. Le problème, c'est que tu n'as pas de torche parce que tu as un Nokia 3210, mais. C'est ça. Voilà. Donc, tu es énervé, t'en veux au Rock et ouais. t'en veux à Baywatch. J'en veux à tout le monde. Ouais, j'en veux à tout le monde. J'en veux aussi à Vince McMahon et au booker de la WWE. Il y a des choses assez incompréhensibles. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Je ne sais pas s'il y a eu des gars de la Wyatt Family qui ont fait des choses pas bien. Je ne sais pas du tout. Mais il s'est passé un retournement de situation assez incroyable, en fait, depuis janvier, où on avait les Wyatt qui étaient hyper bien bookés, notamment Bray, bien sûr, pour le Royal Rumble, où c'était un des favoris. Enfin, pas le grand favori, mais en tout cas, franchement, un des favoris. D'ailleurs, il avait fait très mal à Brock Lesnar ce soir-là. Et on se disait même que ça allait être lui qui allait affronter Brock Lesnar, un match que j'aurais voulu voir, même si Dean Ambrose ne me saoule pas. Hein. Après, là, sur ce match-là, la déception, elle est là. Mais à la base, quand ils ont annoncé Lesnar Ambrose, il n'y avait pas de souci. Mais j'étais déçu déjà pour Bray Wyatt. Mais alors là, ce qui s'est passé, et ce qui se passe depuis quelques temps, cette défaite à Fastlane qui a été terrible, mais terrible pour le groupe, pour le clan à Bray, les blessures qui s'enchaînent malheureusement, Luke Harper qui a un souci, et apparemment Bray Wyatt qui a un souci au dos, Eric Rowan, lui, bon, lui, il n'y a même plus d'espoir pour lui, quoi. À chaque fois, c'est celui qui prend les tombées. Alors là, Et il a c'est... jamais été crédible. Non, lui, il n'a jamais été crédible, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais quand Au même... contraire, finalement, je te coupe un petit Oui. peu, c'est bien d'avoir un mec comme ça dans le groupe qui fait que même s'il perd facilement, le reste n'est pas décrédibilisé parce que Non, tu voilà. dis que depuis le début, c'est comme ça. Oui, voilà. Alors lui... C'est l'avantage de la situation, on va dire. Oui, mais enfin, quand même, le roi qui vient, qui nous fait son speech habituel, bon, c'est WrestleMania, on peut comprendre qu'il y ait les légendes qui reviennent, il y en a d'autres aussi, on en parlera après. C'est un peu comme ça, tous les WrestleMania depuis quelque temps, on fait revenir des gars qui ont marqué l'histoire. Le Rock, à WrestleMania, c'est logique. Et puis il attire du monde aussi, mine de rien. Oui, Hein, puis pour... moi, mais tous les ans, c'est les mêmes qui Ah reviennent oui, parce que finalement. l'année dernière, Mais les ans, c'est les mêmes. Depuis il y a WrestleMania. déjà eu un segment du Oui, Rock ben qui oui, bien avait sûr, attiré Ronda Rousey. avec Ronda Voilà. Rousey. Bien sûr, exactement. Ouais. Non, le Rock est revenu depuis WrestleMania 27. Hein. Donc depuis WrestleMania 27, il est toujours là. Il a fait deux matchs entre WrestleMania 28 et 29 contre Cena, mais il est toujours là. Et au 31, au 30, pardon, il était là avec Hogan et Austin aussi. Donc il est toujours là. Il vient pour annoncer le record, bon, très bien. Mais après, ce segment-là et ce qui arrive à la Wyatt Family, ça me désole complètement. Et j'espère vraiment que Bray Wyatt va rebondir parce qu'ils se font tuer, quoi, les Wyatt. Après, il y a John Cena qui arrive. Ça remet une deuxième couche. Je suis pas spécialement fan de John Cena. Là, ça a été vraiment la goutte d'eau, quoi. L'avantage, Je c'est que sais. John Cena a eu rien à vendre puisqu'il n'a pas pris un seul coup. Oui, Il tape par pas contre, son oui. selling. Non, il a un selling horrible, hein, John Cena. Et Alberto Del Rio aussi commence à bien me saouler d'ailleurs dans son selling aussi. Mais ouais, j'ai été clairement déçu de ce segment et j'espère que Bray Wyatt va s'en sortir et va revenir de ce Mais trou alors, noir. enfin, est-ce qu'il n'y a pas deux lectures sur ce segment? Est-ce que, bon, il y a ta lecture qui est à peu près celle que je pense. Celle du moment, en tout cas, celle du soir même, Voilà, tu en tout comprends, cas, voilà. c'est ce que je pense moi, que c'est con pour la Wyatt Family. Mais est-ce qu'il n'y a pas une deuxième lecture un peu qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ben attends, il y a une légende ultime, c'est The Rock, et il revient, et la personne qui va confronter The Rock, qui va venir l'emmerder ce soir-là, forcément, elle sera crédible. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, Forcément, ah oui. ça la monte quelque part, parce que The Rock, il va pas faire un segment avec les Social Outcasts, quoi, tu vois? Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en attendant, Tu vois, moi, ça me rappelle il n'a pas existé, Bray Wyatt. au millième épisode de Raw, Daniel Bryan, il se fait savater par le Rock, pareil. Il est encore en marié, avec son costume de mari. Il vient de se faire larguer par Edgy Lee dans la soirée. Et il se prend un rock bottom. Bien sûr. Et puis finalement, ça lui sert, quoi, tu vois. Oui. Donc, il y a deux lectures possibles. Il y a Moi, je deux sais pas ce que lectures tu penses. possibles. En tout cas, je trouve que ce soir-là, Bray Wyatt s'est fait avoir un peu trop vite. Après, le Rock aussi, Rob Benito, tu sais, il a fait un segment avec les Road Scholars un jour. C'est pas pour ça que derrière, les Road Scholars, ils ont été très haut dans la carte. Hein. Non, non, non, non, mais Par moi contre, je pense je que ça pense. reste une preuve de respect, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais je pense une chose, c'est que le personnage de Bray Wyatt, par contre, on peut très vite le retourner très haut, quoi. Oui, C'est-à-dire, voilà. voilà, c'est vraiment un personnage où Lui, il un suffit claquement de par doigts. exemple de l'émanciper du reste en disant que finalement c'était Ouais. c'est les autres qui le ralentissaient, et puis voilà, il se retrouve de nouveau tout en haut, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, bon, c'est assez surprenant en tout cas cette route qu'il a pris. On l'attendait vraiment à WrestleMania, quoi. C'est un catcheur assez important du roster principal en ce moment. Et c'est vrai que cette route-là, du Rumble à là, c'est la descente, quoi. Après, dans son speech, il lui rend hommage quand même, The Rock. Tu vois, il y a quand même, il n'y a pas qu'un côté négatif. Il y a le côté physique qui est négatif, mais tout ce que dit The Rock à Bray Wyatt avant, c'est vachement positif. Il lui dit, attends, tu rentres dans le ring, t'as pas le physique adéquat, en gros, mais t'as un charisme dingue qui fait que t'as 100 000 personnes qui allument leur téléphone. Ouais, c'est vrai. C'est bien ce qu'il lui dit, quoi. Tu C'est vois, vrai. il encourage quand même. C'est vrai. dans la Wyatt Family, c'est qu'un personnage dont Renaud n'a pas encore parlé, c'est Braun Strowman, c'est-à-dire c'est quand même un gars qui a été construit comme un gars c'est la déception, qui écrasait hein, tout le monde, qui latait à la fois Ambrose et Roman Reigns quand même. Oui, mais pas John Cena. Et puis, ouais, mais bon, depuis, c'est la descente absolue, on le voit plus rien faire et tout. Moi, je suis choqué parce que c'est quand même un potentiel. Il va finir dans les Rosebuds. À l'arrivée, ouais, il part dans les oubliettes, c'est ça qui est assez énervant. Voilà. Après, il n'y a rien d'autre à... Il va finir avec Adam Rose, celui-là. Si... Ouais. Ah non, merde, il a commencé comme oui, ça, c'est merde. Vrai, oui. Et oui, en effet. Mais juste un truc aussi, bon, John Cena est super content parce qu'il n'arrêtait pas de clamer avant WrestleMania. C'est bon, je suis médicalement autorisé à lutter, je suis médicalement autorisé à lutter, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà, il a eu son petit moment. moi, j'ai bien aimé quand il est arrivé. Par contre, il a eu une bonne réaction parce que le public le siffle quand même. Il y a le fameux Suck Cena Suck, et il les encourage à continuer. Enfin, mais qu'est-ce que j'aurais, enfin, après, c'était pas le but du segment, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que finalement ils se mettent avec la Wyatt Family et ils défoncent The Rock, franchement. Oh là là, ah, mais j'aurais tellement espéré aussi. Ah, c'est mais enfin, franchement, je pense que ça nous a tous traversé l'esprit. On s'est dit, ça peut pas être aussi facile, ça aurait été tellement bon, quoi. Enfin, bref. Des fois, il passe à côté des bonnes occasions quand même. Ouais, mais Cena, c'est fini. On espère toujours, mais... Oui, oui. Mais justement, c'est... Oh, mais regarde à quel âge il a fait un heel turn, Hulk Hogan. Il avait peut-être 15 ans de plus que Cena. Oui. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Non, oui, mais bon, c'est différent. C'est différent. C'est... Malheureusement, c'est différent. Ah, c'est une autre ère, C'est une autre ère. Il part dans une autre fédération où il a tous les pleins pouvoirs, où Bischoff lui dit amen à tout ce qu'il dit. Donc, non, sincèrement, c'était trop différent. Il y avait trop d'enjeux. Il y avait une fédération concurrente. C'est vrai qu'à en mon face. Avis, à John Cena, on lui dit pas amen à tout ce qu'il dit. Le mec, il a réussi à faire avoir sa meuf le titre 500 jours, le titre féminin. Non, mais... Écoute, je pense. Sincèrement, je pense que Hogan avait plus de pouvoir du temps de la WCW avec Bischoff que Cena en a avec Vince McMahon. Oui, ça, maintenant, je peux me tromper. Hein. Non, mais c'est sûr, parce que Vince McMahon, c'est pas le genre non plus. Il est plus despotique que Eric Bischoff. Quoi. Exactement. Bon, on va passer à la suite. Donc, on va faire un petit medley du match League of Nations New Day et enchaîner avec le Chris Jericho et Edge Styles. Parce que c'est deux résultats qui m'ont très surpris avec les heels qu'il emporte. C'est quand même, Renaud est notre historien, c'est quand même assez rare autant de heels qu'il emporte dans la même soirée. Mais, ouais, mais voilà, donc League of Nations pour moi c'est vraiment un résultat what the fuck aussi. Et Chris Jericho aussi finalement, parce que AJ Styles est là depuis pas longtemps, il est censé amener un nouveau vent de fraîcheur et tout, et puis bon, ils le font perdre à WrestleMania. Bon, on va commencer par le match par équipe, qui était finalement pas pour les titres, avec une bonne petite entrée des New Day, qui moi, personnellement, m'a déçu, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose, même si elle était cool. Donc le match a duré 10 minutes à peu près, et a vu donc la League of Nations l'emporter sur le New Day. Alors moi, j'ai vraiment pas accroché ce match. Je suis passé à côté. Il n'y a rien qui m'a plu, il n'y a rien qui m'a marqué. Et je vais laisser donc Thierry commencer à en parler. Ouais, moi non plus, ce match ne m'a pas énormément plu. C'est vrai que l'entrée de New Day, je m'attendais à quelque chose de grandiose. Les voir venir sur un cheval de Troie, licorne, enfin vraiment le truc un peu fantastique. Mais non, on avait juste droit à la fameuse boîte des Boutillos, je crois, si je ne me trompe pas, les céréales. Ouais. Qu'ils n'arrêtent pas de faire la promo depuis. Mais c'est vrai que j'ai parié la victoire des League of Nations pour ce soir-là, mais c'est parce que je pensais que les titres étaient en jeu, justement. Et que New Day, ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient les titres. Du coup, je me suis dit, League of Nations, en ce moment, ils sont pas très ils sont pas populaires du tout. Ils sont très mal utilisés pour ma part. Je me suis dit que obtenir les titres par équipe, ça les aurait permis de rebriller un petit peu et pourquoi pas de relancer la machine. Mais malheureusement, non, ils n'ont pas gagné le titre. Un match qui n'était pas énorme. Donc, je ne vois pas ce que je peux dire de plus là-dessus. Bah écoute, on va laisser Renaud nous en dire beaucoup plus. Ouais, justement, moi aussi, j'avais parié. Alors moi, j'avais pas d'amis avec moi, j'étais tout seul, comme un gland devant ma télé, donc j'ai parié avec mon chat, en fait. La prochaine fois, je t'invite, Renaud. Ouais, c'est gentil. Donc, t'auras un écureuil pour t'accompagner, petit. Ah bah, c'est cool. Merci, je t'en remercie. J'ai parié Ligue des Nations, mais tu vois, justement, comme quoi, hein, pour tout le contraire de toi, Thierry, Parce que je savais qu'il y avait pas de titre en jeu, j'avais vu ça, je crois que c'était juste au Raw d'avant ou Lui, il suit la WWE au contraire de toi, Thierry. Tiens, prends ça dans les dents. Et en fait, ce qui a fait souvent aussi la WWE, alors ça le fait depuis X temps, quoi. C'est des fois, ben, quand elle n'a pas envie que ses champions ils perdent la ceinture, et ben, tout simplement, elle refait pas mettre les ceintures en jeu. Même en pay-per-view, ça arrive. Et là, c'est exactement ça. On est exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'elle veut pas faire perdre les ceintures au New Day. J'ai vu qu'ils avaient retiré le match pour les ceintures, en tout cas que le titre était plus en jeu. Je me suis dit, c'est bon, la Ligue des Nations elle va gagner. Donc ça a été le cas. Le match, il y a vraiment grand-chose à en tenir. Bon, il y a une énorme domination de la Ligue des Nations bon, dans leur travail habituel, quoi. Ce qu'on voit tous les soirs à Raw, à SmackDown, c'est ce travail de sape où Xavier Woods a vraiment mangé beaucoup de coups. Ils ont pris vraiment lui et ils l'ont mis dans leur coin. C'était le punching ball. Donc, j'ai trouvé Big E malheureusement trop absent du match. Il est arrivé, il a fait ses souplesses et puis son fameux spear, mais vraiment absent. Et puis Kofi qui a fait un peu plus que Big E, mais ouais, très soft lui aussi. Donc, ouais, à part leur entrée avec cette grosse boîte, comme vous avez dit, et puis les habits aussi à la Dragon Ball Z. Hein. À part ça, C'était bien puisque ça marquait côté geek. Thierry m'a fait penser à un truc. Il disait que c'était un clan qui était un peu au plus bas, la League of Nations. Et en fait, le problème, c'est que c'est un clan qui a été créé pour le main event, donc pour protéger le champion à l'époque, Sheamus. Et finalement, comme ça n'a pas du tout pris, et comme les plans, à mon avis, ont changé entre temps, ils se retrouvent sans rien, quoi. Et donc, on est bien obligé de leur donner une rivalité. Et puis bon, à part New Day, mais bon, à la base, New Day était quand même censé être associé avec eux, presque, puisqu'ils avaient quelques segments où les New Day avaient fracassé Roman Reigns, et puis finalement, c'était Sean qui arrivait. Ah oui. Donc finalement, ils font faire un face turn au New Day un peu. Je vous avais dit lors du dernier pod que c'était un face turn, puisqu'ils s'étaient associés à Edge et Christian pour aller contre la League of Nations. Personne n'a voulu m'écouter, n'est-ce pas, Thierry? J'étais pas là. Du coup, la League of Nations, ils se retrouvent un peu coincés, le cul entre deux chaises, puisque finalement, c'est individuellement, c'est quand même quatre mecs qui sont assez crédibles. Hein. Del Rio, depuis son retour, c'est quand même pas mal. Bon, là, c'est un peu moins bien, mais bon, Rousseff, lui, par contre, malheureusement, c'est la descente aux enfers. Mais bon, Sheamus et Wyatt Barrett, ça reste des mecs crédibles. Et du coup, le fait qu'ils se retrouvent sans aucune histoire, sans rien à défendre et sans rien à gagner, c'est ça qui les bloque un petit peu, la League of Nations. Hein, Bruce, je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, mais c'est clair, j'ai jamais trop adhéré à ce clan, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, il a eu cette image de puissant, mais ça a duré tellement peu de temps, en fait, qu'à partir... Et ça, c'est pas leur faute à eux, parce qu'à mon avis, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était, non, ils étaient vraiment bouclés pour le main. N'a pas pris aux yeux des officiels, et puis aux yeux du public en partie, oui. Et c'est ça qui les a perdus, parce que c'est vrai, c'est quand même des talents individuels. Alors, vous savez, quand même, il y a un an, c'était encore le gars qui arrive à vaincu, quoi. C'est ça qui est fou, mais et puis un an après, avec des baskets aux pieds, c'est zéro, quoi. Il n'a pas gagné. C'est aucun impact, c'est malheureux, quoi, pour lui. Et après, voilà, il y a Barrett aussi qui est assez proche de la sortie. Il a juste encore quelques semaines et son contrat se termine comme ça dans l'anonymat presque. C'est plus pour Sheamus, c'est Alberto Del Rio. Que... champion TNA dans pas longtemps. Ouais, peut-être, ouais. Il va rejoindre Tom La Rufa, oui, possible. À qui on passe bonjour, ouais. Et puis, non, voilà, c'est plus malheureux pour Sheamus et Alberto Del Rio, ouais, parce que c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que Renaud disait tout à l'heure. À un moment, il a lancé une petite pique. Bon, pas à ce niveau-là, pas au niveau qu'il exagère un peu trop pour vendre les prises d'El Rio, mais c'est plus qu'on sent qu'il est moins impliqué dans le ring, on sent qu'il est moins, je sais pas, il est moins dans le truc, que ça lui plaît pas. Et il le montre un peu, je trouve, dans le ring. C'est pas un catcheur d'équipe, hein. C'est clairement pas... Ah oui, lui c'est vraiment individualiste. Hein. Tu sens vraiment, ouais, c'est un individualiste au maximum, ils les ont vraiment associés pour... Sheamus, quand il était champion du monde, tu sens que c'était une association, mais pour pas longtemps, et finalement ça prend pas. C'est des individualistes en fait, les mecs, et on les a tous mis ensemble, ça prend pas, quoi. C'est vraiment. Ça pourrait s'appeler n'importe quoi comme clan, on s'en foutrait, mais limite. Y a rien, quoi. À part s'ils se tapent dessus quand ils font leurs entrées, tu sens les mecs, style, on est tous proches, mais tu sens qu'au final, y a rien, quoi. Non, mais je Voilà. pense qu'ils doivent être potes dans le privé. Ah oui, non, mais Non, après, mais ils sont voilà, potes. c'est pareil, ça fait depuis X temps, par Ça, j'en exemple, doute et oui. pas. Ouais, depuis ce temps, ça c'est clair, j'en doute pas. Mais Del Rio, il commence vraiment à avoir des petits problèmes sur le ceiling. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur quand il prend des droites, quand il prend une corde à linge, limite, il lève les bras aussi sur une clothesline. Sur le super kick après de Michaels, il a les bras aussi à 3 km. Non, mais je dis ça sur John Cena, mais j'hésite pas aussi à le dire sur les autres quand il faut le dire. Je trouve que Del Rio, son ceiling est plus le même que celui qu'il faisait à une certaine époque. Hein. Non, mais c'est vrai, mais bon, après moi, ça a plus choqué le selling de Rousseff sur le stunner de Stone Cold. Mais bon, donc ça m'en vient à transition toute trouvée pour parler du retour donc de trois anciens, donc WrestleMania Moment, Stone Cold, Shawn Michaels et Mick Foley qui viennent confronter la League of Nations. Et du coup, voilà, enfin, c'est un segment typique WrestleMania, il n'y a rien de neuf. À part que finalement, le Stone Cold y passe aussi un stunner sur Xavier Woods, qui aura bien pris cher, Qui est Selling là aura aussi bien de pris Xavier cher. Woods? Ouais, voilà. Oh là là. C'est Oh d'une là là! tristesse. En fait, je crois que le meilleur selling sur un stunner, je crois qu'une fois, c'était Vince McMahon qui l'avait fait. Genre, de pas rebondir, quoi, de tomber direct sur le genou et par terre. Enfin, sur le genou, sur le menton et par terre, quoi. Est-ce que tu t'en souviens des Selling du Rock? Ouais, non, mais The Oh le Rock, c'était Rock! ridicule. Il faisait des cabrioles et tout, quoi. Est-ce que vous vous souvenez du Selling de Scott Hall à WrestleMania 18? Ah mais tous hein, ils sont. Non mais Rousseff Si était moi parfait, je crois. je peux le retrouver sur YouTube. l'un des meilleurs sellings Ah mais là, Xavier Woods, c'est c'est Vince hallucinant. McMahon quoi. Ah mais Shane sur Rousseff aussi. ça m'impressionne encore plus hein. Bah ouais, parce que Woods, en fait, il était dans le délire. Il y a eu une petite danse juste avant où on a vu Austin danser, où tous les gens ont réagi. Ça, c'était plutôt pas mal. Bon, c'était plutôt rigolo. C'est vrai que c'était dans le truc de faire de l'overselling. Xavier Woods, il était un peu dans ce délire-là. Mais c'est vrai que ouais, Rousseff, malheur. C'était très lourd, quoi. Et Rousseff, il prend un stunner, il se fait éjecter du ring, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref, on va passer au Y2J contre AJ Styles. Alors là, il y a de très bons moves dans la soirée. Moi, il y a juste un truc qui me gêne, c'est que c'est leur quatrième affrontement. Et faire perdre AJ Styles à WrestleMania, c'est un petit peu gênant selon moi. On va laisser la parole à Bruce Lee, qui est le spécialiste d'AJ Styles depuis 1992. Et il va nous dire ce qu'il en pense lui de ce résultat et du match en règle générale, Ben, quoi. c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on est les deux qui pensions que AJ Styles allait gagner. Les deux autres, non, pensent que Jericho allait gagner. Mais parce que c'est vrai que dans un affrontement, le match qui ne devait pas perdre AJ Styles, c'était bien celui de WrestleMania quand même. C'est fou. Il a gagné celui au PPV précédent et puis là il perd. Non, ça c'est fou quand même. Moi je comprends pas du tout ce choix. Quand on sait par exemple, ça a été beaucoup rappelé avant ce match, beaucoup sur la toile, que voilà en 2012 il y avait un no-name complet qui avait battu Chris Jericho, Fandango quoi, à WrestleMania. Et que là, voilà, il y a quand même AJ Styles qui soit mis en arrière malgré un très beau match. Pour moi, ça m'inquiète et Alors, oh. le L'étincelle sache, il quoi. avait signé juste pour quelques mois, on ne sait pas. Ouais, après, est-ce que c'est un run assez Oh. court ou pas? Mais moi, ça me gêne. C'est sûr que Jericho, il est quand même. Je sens Renaud qui trépigne. Vas-y, Renaud, dis-nous ce que tu en penses. Ouais, non, non, je vais pas rejoindre Bruce Lee parce que de son point de vue à lui, à partir du moment où Jericho il a perdu contre Fandango, on pourrait plus perdre contre Chris Jericho à Non, mais c'est WrestleMania. pas ça, c'est plus que Jericho lui-même, il a Je dit veux que dire. c'est un vétéran qui n'hésite pas à laisser maintenant les Oui, autres. alors voilà. Oui, mais Ouais, alors ça, on l'a AJ Styles pas n'est d'accord. pas un jeune newcomer, Oui, quoi. bon, Ouais, alors d'accord, tu ok, prends. c'est vrai qu'il Oui, a à 36-37 WWE, c'est un ans, oui, rookie. d'accord, mais oui. Non, à WWE, c'est un rookie, ça, d'accord. Mais après, bon, voilà, il a un passé assez énorme. Mais à un moment donné, il va juste falloir aussi se rendre compte que Chris Jericho, mine de rien, même s'il est le premier à dire ça et que moi je l'ai dit, comme on le dit tous, de toute façon, qu'il met les jeunes en avant, d'accord. Mais à un moment donné, il peut gagner aussi Chris Jericho Ah oui, en non, moi ça pay-per-view. me Est-ce que gêne c'est pas, possible? j'aime beaucoup Merci, Jericho. Renaud. Hein. Non, mais. Non, mais... Moi, non, mais c'est pas sur toi que je dis ça. Mais à un moment donné, les gens sont étonnés aujourd'hui de Mais voir Chris Jericho gagner. Mais est-ce que là aujourd'hui il est obligé de gagner clean, par exemple? pour moi, oui. En tout cas, Ah ouais. écoute, franchement, c'est dans ce match-là que j'ai trouvé très, très, très, très bon. Parmi les quatre affrontements, Hyper technique, ouais, franchement. hyper technique, franchement, vraiment. À Fastlane, j'avais été déçu d'ailleurs, on en avait parlé avec Titi. J'avais trouvé que le rythme était assez lent à cause de Jericho. Mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Un bon match entre deux excellents catcheurs. Et je trouve que l'entente était encore vraiment montée d'un cran. Et sans stipulation, très fluide. Non, non. Et c'est très bien d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu à la fin une triche ou quoi. Comme ça, au moins, le match s'est vraiment déroulé. Là, c'était vraiment un match classique de catch. Hein. C'est ce qu'on fait de mieux aussi. Des fois, sans stipulation, deux super athlètes, ils s'affrontent. On leur laisse du temps. C'est WrestleMania. C'est encore le début du show. C'était le deuxième match. Et ça m'a beaucoup plu, mais il faut arrêter à un moment donné de s'étonner qu'un catcheur comme Chris Jericho gagne en pay-per-view, quoi. Je veux dire, à WrestleMania, il lui refallait une Mais victoire, justement, aussi. c'est Tu pas le parlais fait de... qu'il gagne le Non, problème. mais si, C'est mais contre voilà, qui c'est il exactement gagne. ça. AJ Styles, ça va pas lui faire du mal de perdre contre un catcheur comme Chris Jericho. Déjà, ça fait 2-2 en plus, si on regarde toutes les confrontations entre deux. Donc déjà, ça fait du 2-2. S'il faut à Raw, il se raffronte et puis AJ Styles le bat. Ou en tout cas dans un autre pay-per-view, je ne sais pas. Mais en tout cas, Chris Jericho, lui, sur un plan personnel dans sa carrière, si on prend en compte sa carrière et les derniers combats à WrestleMania, il lui fallait une victoire. Je veux dire, à un moment donné, il fallait qu'il regagne à WrestleMania. C'était plus possible. C'est une tâche hein, contre Fandango, ce qui s'est passé. Donc, moi, Non, je mais pense, le en tout cas... problème, il est là. Le problème, c'est de l'avoir fait perdre contre Fandango, c'est pas de le Ça, c'est faire un vrai problème. gagner contre AJ Styles. Exactement. Mais c'est exactement ça. Parce que ça ne va pas faire de mal. J'en suis persuadé. Hein. Franchement, il vient d'arriver, il peut perdre contre Chris Jericho. Ça fera pas de mal à AJ Styles qui va carrément rebondir et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et ça fait pas du tout de mal à Chris Jericho qui lui aussi enfin gagne un match important en pay-per-view. Oui, mais C'est si mon c'est avis. pour partir après-demain pendant 6 mois, ça, tu Ah vois, ouais, ah bah ça dépend de la alors on suite fait des événements, quoi. plus gagner Brock Lesnar aussi, alors on fait plus gagner Ouais, mais Undertaker. c'est pas pareil, bon. Les gars, mais non. Non, mais remarquez, au moins je vais être content de C'est pas pareil. voir Chris Jericho et AJ Styles, c'est encore une fois à Bercy hein, dans 3 semaines. Donc, Ah oui, profites-en bien, ouais. l'accord est Profites-en l'arène. bien, c'est clair. Alors, plus globalement, j'avais envie de revenir sur un truc. Donc, en début de podcast, on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de résultats surprises. Et du coup, ça nous mettait un petit goût d'inachevé ou en tout cas un petit goût de déception. Et moi, j'avais envie de vous lancer là-dessus, on va dire. Donc, je vais donner en premier la parole à Thierry. Est-ce que pour toi, le résultat d'un match entre dans ton jugement de la qualité du match en lui-même? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que le résultat pour toi, c'est finalement un non-événement, quoi? Alors, ça dépend, je dirais que ça dépend du match, parce Là, que par c'est vrai exemple, que... on est en train de parler de Y2J contre AJ Styles. Moi, honnêtement, je pensais qu'AJ Styles allait l'emporter parce qu'il en avait, Oui. comme disait Renaud, il en avait besoin. Le fait que, enfin, si tu veux, en fait, j'ai un petit goût amer dans la bouche quand j'analyse ce match, du fait du résultat, alors que le match en lui-même, de la première minute à la fin, il est excellent, quoi. Tu vois Moi, le je truc? pense qu'il faut pas. Enfin, si Jericho avait perdu ce match, je n'aurais pas eu le goût amer comme toi pour la défaite de AJ Styles parce que le match était très bon. Après, aussi, vous parliez à un moment du fait que c'était le quatrième match, que ça faisait beaucoup. Moi, je me souviens que lors du pod de Fastlane, j'avais dit que le match à Fastlane avait un intérêt si Jericho faisait un heel turn. Ce soir-là ou quelques jours plus tard. Finalement, j'ai eu raison puisqu'il a fait un heel turn. Mais la victoire de Jericho pour moi était importante parce que, comme je rejoins Renaud, c'est pas parce que c'est Jericho et qu'il a eu le statut de mentor qui met Vétéran, les ouais. jeunes en avant, voilà, qui devait forcément perdre. Et je pense que l'attitude justement de heel de Jericho a aidé parce que c'est vrai qu'en face, j'ai toujours eu du mal. En Jericho face dans le sens où Il il s'amuse perdait pas, beaucoup plus Jericho, en face. facilement. Mais tu le vois Oui, qu'il s'éclate enfin. pas. Non, mais tu le vois qu'il s'éclate pas en face. Sa vie, c'est d'être Ouais. heel. Il est 1000 fois meilleur en heel qu'en face, quoi. Donc, clairement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour AJ Styles, c'est pas parce que pour moi, c'est pas parce qu'il a perdu qu'il va avoir une suite moins glorieuse ou quoi que ce soit. D'autant plus qu'il a eu vraiment un très bon début avec un très bon début au Royal Rumble, une victoire face à Jericho à Raw le lendemain. Jericho, il n'a pas gagné depuis WrestleMania 26 contre Edge. Pour moi, il fallait qu'il y ait... Enfin, je veux dire, au niveau de WrestleMania, dans tous les cas. Donc pour moi, quel que soit le résultat de ce match, en tout cas, je n'aurais pas été déçu puisqu'on a eu droit au meilleur entre Jericho et AJ Styles. Et du coup, on va rebondir un petit peu, on va aller un peu plus loin dans le débat. Renaud, toi, tu penses que un résultat d'un match, ça influe sur... sur la perception que tu as Moi perso, non. Dans l'analyse, non? Non, moi personnellement, non. Genre, s'il y a un super match entre DDP et Fandango, mais que Fandango gagne, t'es quand même content d'avoir vu un super match avec DDP. Moi perso, non, ça me casse les couilles finalement. Je change d'avis de suite. Non, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui jugent. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui jugent justement sur les fins de match. Ils sont tellement déçus des fois qu'ils se disent mince. Et qui jugent le match après la qualité du match aussi, prennent en compte la fin du match. On a analysé le match pour le titre intercontinental. Oui. Alors, Zack Ryder, c'est super pour lui, etc. Mais moi, dans la liste des 7, c'était mon 7e favori, quoi, tu vois. Ah oui, il était très bas, ouais, clairement. Voilà. Pour moi, si j'avais un dollar à miser sur ce match-là, j'aurais mis sur les 6 autres, mais pas sur lui. Donc... Et du coup, le fait qu'il gagne, oui. Ça m'a enlevé quelque chose. Je me suis dit, merde, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas Sami Zayn? Tu vois, pourquoi c'est pas un autre? Et ça me laisse un petit goût un peu de merde au fond de la gorge. Je comprends ce que tu veux dire. Et pourtant, moi... j'aime bien Zack Ryder en plus, hein, mais je préférais les 6 autres. Mais... Donc, tu prends en compte, toi personnellement, tu prends en compte la fin à chaque fois Pas la fin, pas la fin, le résultat. Oui, le résultat final, je veux dire. Ouais. Ça compte quand même dans l'analyse. C'est comme de dire, comme Thierry vient d'en parler, le fait que Y2J fait un heel turn lors de sa rivalité contre AJ Styles. Le fait que du coup, il y ait une story un peu plus intense derrière tout ça, ça rajoute du piment au match. Tu vois. Oui, bien sûr. C'est des ingrédients qui rajoutent. Sinon, tu regardes du catch japonais. Quoi. Si tu t'en fous du résultat, si tu t'en fous du résultat et que tu t'en fous de l'histoire... Tu regardes un match de catch japonais où il n'y a pas vraiment d'histoire et pas vraiment de... Le résultat importe peu, quoi, tu vois. Ouh là là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Non, ça dépend, ouais. NJPW, c'est pas ça. Oui, non, mais en vrai, je te parle en règle générale. Là, maintenant, il s'américanise un petit peu sur ça. Mais le catch japonais des années 2000 ou des années 90, c'était ça, quand même. Il n'y avait pas vraiment la notion de heel et de face. Il y avait Stan Hansen, introduit au Hall of Fame, qui s'était beaucoup produit sur la scène japonaise, très heel, donc, par exemple. Mais après, avec les Japonais entre eux, il n'y avait pas vraiment de truc heel face. Là, on est d'accord, c'est plus les étrangers qui apportent ça. Ouais. AJ Styles, NJPW, c'était un heel, voilà. Mais, alors, si tu préfères... Ce que tu préfères, c'est... Tu peux regarder un match avec deux catcheurs que tu connais pas, qu'on t'a conseillé. Tu sais pas vraiment qui. Enfin, l'histoire qu'il y a entre deux. Et est-ce que pour toi, tu vas avoir la même perception du match que si tu connais toute la storyline et que du coup, quand ils font allusion à quelque chose pendant le match, tu comprends pourquoi, etc. Ah oui, tu vois. Non, moi, je veux quand même savoir. C'est non, ça. Mais même à la NJPW, dernièrement, on parle de AJ Styles. J'ai adoré sa rivalité contre mon catcheur préféré, Kazuchika Okada. Voilà, c'est pour dire. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment un truc de rivalité. Et non, moi j'aime surtout voir le contexte, la rivalité qui se construit à travers les combats, et c'est ce qui se fait aussi avec AJ Styles Chris Jericho. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est pas nécessairement par des segments ou des attitudes, c'est plus parfois juste par les combats qu'une grande rivalité peut se faire, et c'est ça que j'apprécie le plus en fait. Et après, c'est ça qui fait donner aussi beaucoup de passion pour le résultat, parce que même là, dans ce cas-là où j'aime Jericho, ça n'empêche que je voulais que ça soit AJ Styles. Voilà, c'est pour ça que le rendu est un peu moins bon, mais que j'apprécie beaucoup la qualité du match, ceci dit. Parce que quand on compare encore à Jericho... Donc voilà, donc toi, tu es d'accord que, par exemple... Alors, attends. Par exemple, si tu dois noter ce match sur 10, le même match, hein, que le final, c'est Jericho qui gagne, tu mets, je sais pas, tu mets 7 sur 10, mais si c'était G-Style, tu aurais mis 8 sur 10. D'accord. Tu vois, comme quoi, Renaud, c'est quand même... Ouais. Et toi, non. Toi, non. Non, moi, non. J'aurais mis le même résultat si c'était Styles qui gagnait. D'accord. Ouais, pareil, parce que faut même... faire preuve parce que, d'objectivité, alors, même si. Oui, mais là, par exemple, on prend un cas où AJ Styles fait partie des catcheurs favoris de Bruce Lee, tu vois, dans ce cas-là. Tu vois, ça compte aussi quand même les affinités que tu as avec les gars. Carrément. Non, sur ça, bien sûr. Par exemple, tu vois, si Roman Reigns avait gagné contre Triple H dans le main event, j'aurais été déçu. Ah non, merde. Ouais. Ah mais je sais pas, tu peux être déçu d'un résultat par rapport à tes attentes, mais normalement le match en lui-même ne doit pas être la mais note si, du match ne doit si, pas être influencée. Si. Mais bien sûr que si, à 5h30 du matin il y a 2 ans. Pour moi non. Et, attends, à 5h30 du matin il y a 2 ans, t'étais pas debout en train de faire des yes. Et bah, si non. Le même match Bryan avait perdu, bah, on aurait dit c'est un match de merde. Mais à un moment, faut arrêter les bêtises. Non, j'aurais. Bah non, attends. Mais si, j'aurais si, pas si, dit que si, c'était si, un match. Si, mais si, non. Triple H si, avait non. battu Daniel Bryan, par exemple, voilà quoi. Non, moi je parle dans le main event hein, contre Batista et encore pire. Ça m'aurait fait chier, mais j'aurais pas dit que c'était un match de merde. Mais non, mais bah ça oui, t'aurait enlevé beaucoup de choses. Ça m'aurait fait très très chier. Ça aurait enlevé un booking d'un an quasiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc comme quoi le résultat, dans certains cas, je suis d'accord avec toi, il compte pas. Voilà, il y a des cas où il compte pas et il y a des cas où ça compte vraiment vraiment beaucoup, quoi. Enfin voilà, bon, après c'est mon avis. Hein. Il n'y a que moi qui ai l'air d'être enflammé Ah, sur si, le si, moi débat, aussi, donc mais on va après, passer à la jeunesse, suite. vu que ça va, la Renault est en feu aussi. Disons que les gens qui sont contre, ils sont pas très forts. On dirait, c'est un peu les Léa Salamé, nous, on les Yann Moix. On ne se rendait pas couché, en effet, ouais. Voilà, on va passer vite fait, pardon, sur la bataille royale remportée par Vite fait, Baron c'est Corbin vite dit, hein. avec avec Shaquille O'Neal en guest. Enfin, il y avait trois guests pour ce match. Il y avait Shaquille O'Neal, il y avait Tatanka, et c'est tout, je crois, non? DDP. DDP, il me semble. Voilà, ça va durer 50 minutes. Hein. DDP qui était dans la plus mauvaise forme de sa, non, de je sa... vais faire... carrière, peut-être. Franchement, moi, je l'avais jamais vu aussi à la ramasse, le pauvre, mais je vais laisser Renaud en parler. Ouais, bon, bah ouais. Bah... Je l'ai trouvé mieux aussi lors du Rumble la dernière fois. Bon, il a fait sa petite apparition à WrestleMania. Quand t'es fan, ça fait plaisir de le Il a revoir placé en un plus. bon Et ouais, cutter. c'est ce que j'allais dire. Voilà, il a placé le cutter. Bon, c'est plutôt cool. Ça m'a fait plaisir. Après, je t'avoue Il a aussi, pas une pop attention. de fou, hein, d'ailleurs. J'étais un peu Oui, déçu. mais voilà, mais ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais, à la WWE, maintenant, il n'aura pas de pop de fou, hein, DDP. Hein. De toute façon, sa carrière, elle a été faite à la WCW. Et il a été mal utilisé quand il était à la WWE. Donc à partir de là. Faut pas espérer qu'il ait une pop de ouf à WrestleMania, quoi. Hein. Après, Bon, bon, si vous quand t'es... voulez suivre un petit peu, enfin connaître un petit peu les débuts de carrière, en tout cas les grands moments de la carrière de DDP, on avait fait une interview de lui il y a maintenant un an et demi à peu près. On vous la conseille parce que franchement, on apprend des trucs. C'est rare qu'il donne des interviews aux Français, ça doit être peut-être même la première. Et pour le Ah, reste, si voilà, Renaud habite au 6 rue des Micocouliers à Nice, vous allez le voir et vous lui demandez des DVD de la carrière de DDP, vous bah, aurez tout ce qu'il faut. tournez-vous vers Alors, 97, 98, 99. Voilà. là aussi, bon, c'est très difficile Non, d'analyser mais une si. bataille royale, encore plus qu'un Royal Rumble. Mais le gagnant, c'est pas un Ah oui, peu non, mais c'est n'importe du what quoi. the fuck. Et Baron Corbin, Vous êtes c'est le d'accord? gars qui, deux jours avant, dans un match nul, se fait battre par Austin Harris. Enfin, c'est un gars que NXT, c'est l'impasse complète. Et... Ah oui, c'est du what the fuck complet, là. Hein. Là aussi, niveau surprise. Et il sort Kane, quand même. Hein. Je voyais favori Kane, moi, à un moment donné, quand j'ai vu que Big Show, Mark Henry était sorti, qu'il n'y avait plus beaucoup de monde, je me suis dit ça va peut-être être Kane. Bon, c'est, j'ai rien contre le jeune, hein. Moi Pareil. je l'ai pas vu Moi à j'aurais NXT, hein, moi je donc. pensais à un des social outcasts à ce moment-là, Ouais mais aussi, ouais peut-être. Enfin voilà, enfin j'étais pas comme un fou de façon à savoir qui allait gagner. ce qui est dingue, c'est que la pop de la bataille royale, elle est pour Damien Sandow, quoi. Alors qu'il a plus rien, il a plus de personnage, il passe plus à la télé, le pauvre. Et quand il vient confronter Shaquille O'Neal et Big Show, il a une pop de malade, quoi. Il a aimé hein, Damien Ah Sandow oui. déjà. Ah, c'est Depuis qu'il refaisait incroyable. le Miz là, qui faisait les Incroyable. imitations du Miz. Et Tatanka qui était là, que tout le monde s'en fout, mais Tatanka, je crois que la dernière fois qu'il était à À un WrestleMania, moment, c'était il s'est face. assis dans un coin, il y en a un qui est passé, il lui dit, mais t'attends quoi? Ah, il Oh y a pris non, du bif aussi, superbe. la vache. Enfin, il a jamais été fit, mais quand même. Ah oui, là va, un truc de. Ouais, c'est clair, un truc de fou. Je crois que la dernière fois qu'il était là, c'était au WrestleMania 11. En plus, il était juste. Il catchait pas, quoi. Il accompagnait Bam Bam Bigelow. Il a pas Et fait un son. Royal Rumble il y a pas longtemps ou un truc comme ça? Ah Ouais, non! il était Non, non, non. revenu. Non, mais il était revenu, Tatanka, il était revenu. Confronter Heath Slater. Dans les Ouais, quand voilà, il avait fait c'est exactement les ça. trucs des légendes où chaque semaine il affrontait une légende. C'est exactement ça. Puis il avait eu une petite période avec Matt Hardy aussi, au début des années 2000. Avec Matt Hardy, ouais. Et son dernier combat date de WrestleMania 9. Si vous voulez savoir le dernier combat de Tatanka à WrestleMania, c'est WrestleMania 9 contre Vous Shawn voulez aller Michaels. le voir, que vous êtes vraiment suicidaire, allez-y. Y a pire, hein. Ah, Tatanka, ça piquait quand même. Moi, je me rappelle, ça Oh, mais le piquait. Tatanka Michaels encore quand il passe. Hein. Ouais, parce qu'il y a C'est pas Michaels. accès. Oui, j'ai dit. Voilà, c'est ça. Après, bon, quoi d'autre à dire? Bon, Shaquille O'Neal, bien sûr, qui est quand même. Franchement, il a quand même une bonne chape, le pépère. Hein. Il serait crédible hein, comme Big Man à la WWE. Clairement. Il est plus grand que le Big Show, il est quand même encore musclé. Il a quel âge? Il doit avoir moins 46-47 Ouais, par ans. là, ouais. Facile. Donc ouais, franchement, c'est assez impressionnant quand même. Voilà, bon après, elle a été construite bizarrement cette bataille royale. Que les deux gros sortent en premier. Ouais, mais ça sert à rien, ce truc. C'était un peu bizarre. Non, mais c'était chelou. Ça, on en parlait un petit peu hors antenne. Ça sert par exemple s'il y avait eu le retour de Cesaro, par exemple. Là, ça servait. Ouais, voilà. Et C'est pour moi, j'imaginais trop le retour de Cesaro pour cette Battle Royale. bah déjà, à la base, les Wyatt Family, ils avaient été vraiment bookés à l'intérieur de la. Enfin, ils en parlaient et tout, qu'ils voulaient remporter la bataille royale. Et puis finalement, ils n'y étaient même pas. C'était un peu compliqué, là, la bataille royale. Donc, vu que c'était compliqué pour nous à regarder. On va pas vous saouler encore plus avec ça. Et on va passer à un des deux main events de la soirée. L'Undertaker qui a battu donc Shane McMahon dans un Hell in the Cell. Parce qu'on dit pas nous. Ah voilà, ça sera dur, on dit pas Hell in the Cell, on dit Hell in the Cell. Donc le combat, c'était si Shane McMahon remportait le combat, il prenait le contrôle de Raw et donc, on va dire de manière sous-jacente, le contrôle de la WWE. Et si l'Undertaker perdait, lui, il n'avait plus le droit de combattre à WrestleMania. Bon, ben voilà, un match qui a duré 30 minutes, avec un spot de malade, un spot à la Shane McMahon, quoi. Un spot de malade où Shane s'est envolé d'en haut de la cage pour atterrir, pas sur l'Undertaker, mais juste à côté. Moi, j'ai quand même trouvé que c'était un assez bon match, même si c'était lent, mais bon, c'est normal, hein, les mecs, c'est pas des perdreaux de l'année non plus. Mais j'ai quand même, j'ai pas été déçu du match, tu vois. Déçu du résultat, comme on en parlait tout à l'heure, mais pas déçu du match. Ouais. Le match était très bon et puis le symbole de ce match avec la stipulation que si Shane gagnait, il prenait le contrôle de Raw, si le Taker perdait, c'était son dernier WrestleMania. Moi, j'ai pris mon pied pendant ce match parce que le Taker, c'est vrai que lorsqu'il a perdu face à Lesnar à WrestleMania 30, moi et certainement beaucoup d'entre nous, nous avons tous pensé qu'il était fini. Mais là, il nous a offert un très bon match. Shane McMahon aussi, qui n'a rien perdu. Enfin, oui, le match était un peu lent, mais il était très bon dans l'ensemble. Mais oui, c'est vrai que la fin, enfin le résultat, hein, parce que la fin du match était excellente, mais le résultat m'a déçu parce que je pense que je me suis trop. J'ai trop attendu un espoir en la personne de Shane McMahon qui parce que ça fait 3 ans qu'on bouffe de l'autorité et je n'en peux plus. Moi, je voulais du renouveau, je voulais que Shane McMahon arrive et change tout. Au début, j'avais un doute avec comment dire avec le fait que John Cena devait affronter le Taker à la base. Là, on nous met du Shane McMahon avec une stipulation de dingue. C'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'ils mettent ça simplement pour remplacer John Cena ou est-ce qu'ils veulent vraiment faire du changement? Bah, j'ai eu ma réponse, c'était simplement pour remplacer John Cena. Mais en tout cas, il y a eu du suspense jusqu'au bout. La durée était nickel, c'était ni trop long, ni. Même s'il était très long, je pense qu'on aurait tous apprécié. Mais Ça aurait voilà, ce rompu match dans 5 l'ensemble minutes était. facile. Bien enlever 5 minutes Voilà. au main event pour les rajouter à ce match-là, mais. Tout à fait, mais pareil, j'aurais fait ça aussi. Mais voilà, j'ai trop misé mes espoirs sur Shane McMahon. Et bon, qui sait, peut-être que il y aura une surprise depuis. Renaud, toi qui attendais avec impatience Ouais, le j'ai pas retour été. de Shane. Oui, mais j'ai pas du tout été déçu parce qu'ils ont livré la marchandise. En tout cas, ce que j'attendais vraiment, quoi. Le match est assez intense. Il y a bien sûr ce saut de la cage. On était persuadé que Shane McMahon allait faire quelque chose. Je l'ai trouvé en forme déjà quand il était revenu. Et ce gars-là, comme on en a parlé dans un catch-moi si tu peux spécial Shane McMahon, fait toujours de toute façon des spots incroyables. Mais là, il n'y a que lui pour faire ça encore aujourd'hui. Tout en haut de la cage, quoi. Il descend du coude tout en haut de la cage. C'est pas à la mi-cage, quoi. C'est tout en haut de la cage. C'est incroyable ce qu'il est allé faire. Heureusement que Taker esquive, bien sûr, sinon il aurait tué. Et Même s'il se signe en haut, hein, mais. ouais, mais enfin voilà. En tout cas, il a vraiment. Et puis il a refait son coast-to-coast aussi, bien sûr, qui pratique depuis X temps maintenant. Alors, donc en fait, Shane McMahon a refait vraiment ce qu'il faisait, ce qui nous manquait. Sur ça, c'était très bien. Je trouve que le Taker, lui, fait son boulot aussi, hein, comme d'hab. C'est le Taker qu'on voit à chaque fois, hein, à sa façon à lui. Bon, moi, j'ai vraiment apprécié le match. Je trouve qu'il y a un bon storytelling dedans. avec Shane qui, lui, il est prêt à aller jusqu'au bout, en fait, de sa santé pour ses idées, quelque sorte. Et Taker, lui, aussi excellent dans son acting, dans ses réactions, quand il voit le gamin faire ça. Enfin, pas trop gamin encore aujourd'hui, parce qu'il a pris de l'âge, mais je me comprends, quoi. C'est pas, Shane McMahon n'est pas un catcheur, et Taker, on a l'impression qu'à la fin, il s'est dit, bon, écoute, je vais te finir, mais mine de rien, t'es fou, et t'as mon respect. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, avec un J'ai bien schéma qui aimé, moi, imagine. le petit sourire du Taker Ouais, à la quand fin. il voit passer l'ambulance. Oui. Il rigole Ouais, du ouais. style, allez, c'est à toi de repartir sur la petite Ouais, camionnette. La ouais. dernière fois, c'était moi, quoi. Ouais. Non, Ça vraiment, m'avait fait j'ai pas sourire. été déçu. Très bon match pour moi. Brosti, pareil, Ben ouais, non, ton c'est vrai analyse. qu'avec Renaud, dans lequel je vois si tu peux, on avait beaucoup parlé de nos attentes qui étaient plutôt élevées. Et pour moi, ouais, c'est un des deux meilleurs matchs de ce WrestleMania. La durée de 30 minutes, elle est très bonne. Le rythme est pas énorme, mais je trouve qu'il se déroule très bien pour tout remplir. Il y a un énorme Oui, voilà, oui. storytelling tout le long du C'est match. ce ça, exactement. voilà, oui, se débrouille vraiment dans les attitudes, avec régulièrement à chaque fois le geste viens, viens. Ça m'a fait rire à chaque fois. Ah, ça, c'était absolument Ouais, génial, jusqu'au surtout à la bout, ouais, fin. même quand Shane il est mort, allez, on fait encore le truc. Et puis t'as l'Undertaker qui le fait aussi. Enfin, ah non, c'est vraiment. Non, mais c'est parfait. Et puis la prise de risque absolument énorme. C'est vrai qu'il est complètement taré, le Shane est quand même. Vraiment. À lui, ce mec. Je pense que ça faisait longtemps quand même que lors d'un combat de l'Undertaker, t'avais aussi peu de monde qui le soutenait, quoi. Qu'il y avait quand même 75% de l'assistance qui était plus pour Shane que pour Ah le oui, non, mais Taker. ça montre vraiment que. Ça, c'était longtemps que ça lui était pas arrivé à ce Ah bon oui, vieux non, mais ça Marc. montre. Voilà, oh, t'as cassé le kéfab. non, mais là, ça montre vraiment l'admiration que le fan lambda de la WWE a pour Shane McMahon. Hein. C'est un gars, voilà, qui est ultra divertissant, qui se donne à fond et il a le respect de tout le monde. Et c'est vrai que à peu près tout le monde, je crois qu'on était tous d'accord, il n'y a qu'à voir la déception de Thierry. On voulait qu'il gagne, rien que pour le plaisir, voilà, de voir Shane triompher d'un grand grand match. Sachant maintenant, de toute façon, la streak ne veut plus rien dire. Elle est morte, donc il pouvait gagner. Non, non, je me permets juste de te rectifier. S'il n'y avait pas la stipulation de Shane McMahon qui prend le contrôle de Raw, j'aurais pas forcément été pour Shane Oh, mais il n'y aura pas de McMahon. C'est à suspense. cause de Il n'y aura pas eu l'enjeu de de ce suspense. match. Oui, S'il n'y avait pas les Peut-être, deux stipulations, il n'y avait mais pas de oui, de toute suspense. façon, il n'y aurait jamais eu tout ça s'il n'y avait pas eu de celle derrière. Donc. Bien sûr. Impossible de placer Shane McMahon contre Taker sans qu'il y ait une Ah oui, carotte au c'est bout, pas ça une c'est séance clair et net. d'exhibition, c'est certain. Oui. Et dommage qu'il n'y ait pas eu d'intervention de la part de Vince McMahon. Mais là, c'était silence radio, quoi. Ouais, voilà, après, bon, on en parlait un petit peu C'est aussi, vrai. pareil, en antenne, dans la préparation de... Parce que oui, on prépare les Ah bon? podcasts. Oui, on prépare. On prépare Parfait. surtout ceux qui ne sortent jamais. D'accord. Ah ben, j'étais pas là, moi, en tout cas. Hein. Non. Oui, non, mais on en a parlé tout à l'heure, le fait que c'était un peu bizarre qu'il n'y ait aucune intervention. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'intervention du tout dans aucun match, il me semble. Ouais, non. Maintenant que j'y Ric pense. Flair. Ouais, non, non, mais il y était Ouais, déjà, c'est ouais, pas une ouais. intervention de quelqu'un qui débarque d'un coup. Ah, d'accord, ok, vu que. D'accord, ok. Ouais, non, mais on parle. Moi, je suis un peu comme Bruce Lee, je parle d'un mec qui débarque. D'accord, ok. La seule intervention, finalement, c'est John Cena, Pas mais c'est comme pas l'année vraiment un dernière à match. Sting Triple H, par exemple. Voilà. Voilà, par exemple. T'as même pas un clin d'œil de Vince McMahon qui a mené quasiment seul la rivalité, même quand les deux étaient pas là. C'était un peu chelou, quoi, je trouve. Je l'aurais bien vu assis en dehors du ring. Peut-être à demander à Oui, son ou fils même de pas faire. sauter d'en haut de la cage pour pas. Tu sais, d'avoir le sentiment humain du père qui dit non, mais merde, il va se tuer quand même, le pauvre. Enfin, tu vois, ça aurait marché, je pense, dans le storytelling à ce Complètement. moment-là. Vince aurait largement pu avoir sa place, un petit moment à lui dans ce match-là, quoi, clairement. Bon, après, en dehors du spot de fou, quel move vous retenez de ce match-là? Le cost to cost, toi, Renaud? Ouais, quand Bah. même, ça faisait longtemps. Ouais, non, mais forcément, je le Bah, vois encore, c'est pareil, désolé, c'est voilà, c'est une obligé, c'est réalité. obligé. Non, Ah ouais, je bah le ouais. disais déjà dans le cache-moi si tu peux que Ah, j'attendais que moi, ça. moi j'ai bien aimé aussi les coups de boîte à outils dans la tronche. T'avais l'impression qu'ils étaient quand même intenses, quoi. Enfin, Franchement, grave. c'était plus intense que le No Holds Barred. C'est vrai. Voilà, hein, après, bon, ça reste du très très haut niveau. Moi, ça fait, à WrestleMania en tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas vu le Taker à ce niveau-là. Je dirais que la dernière fois, c'était aussi dans un Hell in the Cell contre Clash? Triple H, ouais. La dernière fois où il a été élu, ouais, à WrestleMania 28. c'était là, ouais. C'était là. Enfin, pour moi, hein, après. Peut-être même qu'il était au-dessus, là. Peut-être qu'il était au-dessus encore. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là, Renaud, peut-être? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, ouais. Putain, on a fait tout a plus été de dit. Temps sur la bataille royale que sur. Ouais, c'est-à-dire que quand on est mauvais, on a tendance à en parler plus. Hein, c'est... Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, mais en fait, c'était pourri ce match, mais un truc de fou, quoi. Alors là, du coup, Thierry se contredit un peu parce qu'il dit que le résultat du match a un peu contrarié. Non, le match était très bon, mais ça ne, ah. ça ne, le il résultat ne change très, rien très au bon, match. Mais il aurait été très non, très bon. Non, non, c'est toi qui. Tu voulais absolument qu'il gagne. Oui, j'étais déçu du résultat parce que j'ai trop misé sur la victoire sur l'enjeu de Shane McMahon. Mais le match M-A-T-C-H, retenez bien ça, messieurs, le match est très bon et le résultat ne change rien. Voilà. D'accord. Donc tu mets 9 sur 10 les deux fois, peu importe le gagnant. Mais même 10 sur 10, hein. Ah, c'est 10 sur 10 carrément, putain. Ah oui, bien. Donc, on va passer au match des divas. Ah non, merde, on n'a plus le droit de dire diva. Fuck. On va passer au match des filles qui combattent dans des tenues d'Eddie Guerrero. Ouais. Pour certaines. Dans des tenues de Ric Flair pour d'autres. Et dans des tenues moches pour la troisième. Donc, c'est le match, le triple threat pour le nouveau titre féminin de la WWE, qui est une copie conforme du premier, donc du titre suprême. Et alors, moi, j'ai juste un petit truc, c'est que le match est bon, je suis d'accord avec ce que vous allez dire sûrement, mais j'ai pas vu beaucoup de matchs à NXT, mais le match qu'ils avaient proposé à NXT était pour moi bien au-dessus du match de WrestleMania. Donc on va donner la parole à Brucey, parce que je suis sûr qu'il va me donner on raison. On est d'accord là-dessus, mais après, dans un autre sens... j'étais sûr aussi qu'à WrestleMania ils n'auraient pas la même latitude qu'à NXT, parce qu'à NXT vraiment c'est limite souvent même le match féminin qui est attendu le plus lors des show takeover, alors que là WrestleMania beaucoup attendaient ce match, mais beaucoup attendaient aussi Shane O'Mac contre Undertaker par exemple, donc voilà. Oui, bien sûr, c'était pas non, le bien match sûr. Qui polarisait toute la lumière, y a plus de... c'est pour ça du coup qu'ils n'ont pas voulu vraiment en tirer le maximum, paradoxalement. Après, c'est remarquable. Après, tu dis ça, c'est pas forcément vrai, parce que regarde, dans le poster à l'extérieur, Charlotte, elle était en plein milieu, hein, il me semble. Oui. Donc, ouais, elle faisait vraiment partie des affiches promotionnelles. Il y avait 6-3 matchs. Hein. Avec Triple H, la seule qui a eu une entrée un peu personnalisée, c'est Sasha Banks. Oui. Ouais, Snoop Dogg. Enfin, tu vois, le match était quand même vachement mis en avant. Il y a un booking de presque un an pour ce match-là. Pas la un ceinture. An, mais bon, 6-7 mois, facile. La nouvelle ceinture. Ouais, la nouvelle ceinture. Non. Lita qui vient les présenter. Non, il y a un booking quand même assez important ouais, pour ce match-là. En faisant en sorte qu'elle ne vole pas la vedette, même au main event. Je sais pas si c'est voulu, hein, franchement. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que on attend aussi une quatrième qui a perdu son titre 2 jours avant contre Asuka Bailey aussi, qui peut se joindre à ce trio infernal. Et puis, c'est elles qui ont fait d'ailleurs que le terme diva soit annulé. Et puis, c'est logique parce qu'elles vraiment, elles ont, enfin, c'est pas des mochetés, mais voilà, c'est autre chose, quoi. C'est pas total diva, quoi. C'est, ouais. C'est certain. Ouais. Ouais, sur les quatre, il y en a, les quatre sont pas non plus. Mais non, moi je le dis. Après, moi je le bon, dis. Je l'ai descendu un petit peu lors d'un Catch Moi Si Tu Peux assez légendaire, mais j'étais dans un rôle très macho. Ouais. Non, là je reconnais quand même. Ouais, il avait fait un heel turn ce soir-là. Voilà. Bon, si. Non, là je suis assez face. Le macho man. Je suis. Voilà. Oh yeah! Donc on va passer à Renaud qui lui déteste les matchs féminins d'habitude. Non. Et qui là. A détesté ce match-là. Non, je rigole. Non, il a plutôt apprécié le match féminin. Oui, complètement. Non, mais complètement. Mais complètement. Alors déjà, j'ai changé. Le dernier j'ai changé. Bon match féminin à WrestleMania, c'était avec Trish Stratus contre Lita, non bon, contre Non, elles sont jamais affrontées, malheureusement. Non. Contre Mickie James. Contre Mickie James à WrestleMania 22, 2006. Mais c'est là, le dernier là... bon match de. Ouais, mais même pas, ça bosse même pas dans la même catégorie, quoi. Enfin, sincèrement, pour moi, donc je suis pas ce qui se passe à NXT, mais là, ce qu'elles ont fait là, ces trois femmes, C'est tout simplement le plus grand combat féminin de l'histoire de WrestleMania. Pour moi, c'est clair et net, Alors, quoi. attendez, j'explique à nos auditeurs, Renaud a un principe. Il ne regarde pas NXT parce que il sait que c'est un show super bien, Bien mais sûr, non, non. justement, il veut pas se spoiler l'avenir à la WWE, donc il regarde pas NXT. C'est Oui, bien c'est un ça? peu, ouais, c'est un peu ça. Ouais, Voilà. t'as Il très bien préfère ne pas résumé savoir même ce ce qu'il qui. propose là-bas pour pas se dire merde, je l'ai déjà vu en mieux ou en moins bien il y a quelque temps. C'est un peu ça, t'as Non, bien c'est pas résumé. bête. Même si C'est j'hésite pas pas, bête. après, une fois que ça sort, à me prendre des coffrets. Là, il y a le coffret NXT qui est sorti, que je vais me prendre pour regarder ce qui s'est passé, les gros matchs qu'il y a eu, parce Oui, que je sais qu'il y a eu deuxième des très gros précision, matchs. Renaud est le dernier mec en France à acheter des DVD. C'est aussi ça, fais bien de préciser. Mais en tout cas, voilà, ce combat, pour moi, mais il y a vraiment pas photo, quoi. Il enterre tous les combats féminins de l'histoire de ce show, de WrestleMania. Je trouve qu'elles ont un niveau incroyable, une intensité dans chaque prise, même dans chaque coup, quoi. Un coup d'avant-bras, un atemi, enfin, il y a tout. Elles font des prises qui étaient avant réservées aux catcheurs, en fait, aux catcheurs masculins. Et là, elles n'hésitent pas. Le rythme est très bon. Non, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai connu beaucoup de périodes catch féminin à la WWE. Là, on est vraiment dans une période où tu sens qu'il y a un vrai travail qui a été fait en interne. Cette ceinture le prouve encore aussi, d'ailleurs. Est-ce Ce que, changement de ton. là je te coupe un petit peu, est-ce que Paige, elle n'est pas en train de rater le bus qui Ah va oui. bien, quoi? Ah, c'est une Entraînant possibilité. avec ses copines. Ah ben là, Là, c'est elle a foutu. bien raté en Là. tout cas. Ouais, c'est foutu. Je veux pas la descendre complètement, mais ouais, elle est complètement en fond de cale. Hein. Laisse la parole à Thierry, donc, du coup, pour parler de ce match. On reviendra vers toi, Renaud, après. Je te laisse te remettre de tes Je émotions. Merci. vais parler du match, ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir de voir la division féminine et pas diva parce que je déteste ce terme. La division féminine être mise autant en avant avec ces trois talents monstres qui sont Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks. Nouveau Ah, si je peux, titre, excuse-moi, Thierry, mais si je peux Révolution. mettre un petit bémol, Oui. Becky Lynch, elle est quand même trois crans en dessous des deux autres, hein, pour Non, pas moi. trois, pas trois. Ouais, elle est bien Ah, en pas dessous. trois crans. Un peu Ah, moins, non, un peu, mais quand pas même, trois crans, mais aussi, pas. elle est Elle est incroyable. beaucoup Elle a fait moins un gros match, complète, je partage de arrêtez. tout. Ah, Ouais, voilà, Bruce. Ouais, on est d'accord. Non, non, elle fait pas tâche du tout. Vraiment, elle s'intègre bien dans cette révolution. Et je suis d'accord avec vous, hein, Paige a complètement loupé le bus. C'est vrai que il y a 1 ou 2 ans, elle parlait de faire partie C'était de elle cette qui conduisait le révolution. bus, ouais. Voilà. Et maintenant, elle fait partie de Total Diva. Et Total Diva, mais j'ai voilà, no comment, quoi. Donc, Alors, mais le de ce que j'ai match. compris, en plus, le pire, c'est que c'est elle qui demande à être dans ce show-là. Ouais, et pour elle Dans qui s'est Total Diva. déclarée À la partie de base. la fédération. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu Mmh, c'est schizo bizarre, mais comme. le match était très très bon. Il fait partie de mes préférés et pas du tout déçu du match. D'accord. Est-ce qu'il y a un spot Oui. qui vous vient en tête là comme ça? Oui. Parmi tant d'autres, c'est la Rousti? pureté du moonsault de Charlotte à l'extérieur du ring, très très beau quand même, et qui illustre bien ces énormes progrès quand même qu'elle a fait. En 1 an et demi, c'est très très spectaculaire, hein, parce que c'est pas du tout une catcheuse au départ. Ça fait à peine 3 ans, même pas qu'elle s'y met. Elle est Puis gymnaste au ouais, puis départ, c'est après elle a ça? fait du volleyball aussi. Donc, mais vraiment, c'est absolument impressionnant, hein, parce qu'elle met une dureté dans les prises et puis à la fois, voilà, elle est très très athlétique et elle arrive à combiner les deux parfaitement, quoi. Donc chapeau. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de s'émanciper de son père pour gagner en crédibilité ou est-ce que c'est important qu'il soit là à ses côtés encore? Bah, ouais, l'image de Ric Flair est quand même énorme, mais donc ouais, je Elle a craindrais sa pour elle, musique, elle a sa ouais, mais je craindrais. tenue, elle l'a dans Ouais, le mais c'est coin, toujours ça, je trouve que important ça fait quand un tu peu joues un rôle beaucoup. de manager quand même, donc ça aide, ça Ouais, mais je renforce trouve que son ça fait. personnage Franchement, à je lui, trouve que quoi, ça fait un voilà, peu parce que. beaucoup, mais. Ouais, en tant que heel, je pense aussi que ça renforce d'avoir Ric Flair à ses côtés, puisqu'il y a, c'est que c'est Ric Flair, quoi. On est en train de parler de Ric Flair, on n'est pas en train de parler du Non, mais Boogeyman ou de. c'est justement ça, moi qui me. C'est pas une gêne, mais c'est. Enfin, je sais pas, je vous pose la question parce que c'est un peu mon rôle. Et que je vous emmerde en plus. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, je me suis dit ça hier en live quand je regardais. Je me suis dit, ah, ça fait un peu too much quand même. Elle a sa musique, elle a sa tenue plus ou moins, quoi, qui est féminisée, mais quoique elle n'était C'était pas très. sur WrestleMania ce soir-là. Hein. Ouais, mais c'est souvent quand même. Ah, la robe de chambre, c'était WrestleMania. Hein. Oui, c'était que pour Ouais. WrestleMania. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait un peu beaucoup et qu'elle aurait peut-être, elle personnellement, intérêt à se créer son propre perso, parce que bon, Ric Flair, il n'est pas éternel. Je lui souhaite de vivre jusqu'à 125 ans, tu vois, mais il accompagnera pas toujours, et je pense qu'elle a besoin quand même de se créer un personnage à elle-même. C'est peut-être pour ça qu'ils lui ont mis Ric Flair aux abords du ring et en manager à ses débuts en tant que, enfin, ses débuts dans sa carrière de heel, parce que je pense que lorsqu'elle passera du côté des face, Ric Flair ne sera sans doute plus là, dans le sens où il ne l'accompagnera plus, tout simplement. Mais il vaut mieux faire ça maintenant que plus tard, moi je dis. Plus tard, on ne sait pas de quoi demain il fait, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec Thierry sur ce cas-là. Et je pense qu'un catcheur qui a eu beaucoup de mal avec le passé de son père, c'est surtout Ted DiBiase Jr. quand ils ont redonné la ceinture Million Dollar Belt, où là, ça lui a fait énormément de mal. C'était très mal travaillé. Là, par contre, c'est vrai que la musique, t'as raison. Je te rejoins assez sur la musique. C'est pas non plus nécessaire de mettre le fond en thème du Nature Boy. C'est clair. Déjà, ils s'en servent. Elle fait les Who, elle fait les Atemi. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. Et... bon, voilà, mais après... en y repensant, de faire référence à l'histoire de, comment dire, à cette famille qui, voilà, la legacy. Est-ce que vous pensez pas que si Curtis Axel mettait plus, enfin, si la WWE avait plus mis en avant le fait que c'était le fils de Mr. Perfect, voilà, est-ce que ça aurait pas, il aurait pas eu un meilleur avenir? Ouais, ils l'ont tenté. Ou lui aussi d'ailleurs, hein, dans son theme song, il y avait un peu la musique, t'entendais en fond la musique de Mr. Perfect. Ils lui ont filé le titre intercontinental le jour de la fête des pères. Mais derrière, ouais, ça n'a pas trop abouti, quoi. C'est bizarre, après, des questions de booking aussi, c'est très interne, hein, le catch. Il y a des choses qu'on sait même pas, donc. Après, ça voilà. Ça dépend des gens, ça dépend des moments. Hier, t'as Stardust qui se rapproche du personnage de son père. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je préfère un Stardust ou un Goldust qui, sans renier ce qu'a fait Dusty Rhodes dans sa carrière, font souvent des hommages, quand même, mine de rien, mais... ont quand même des personnages qui sont à des années-lumière de leur père. Je préfère ça à choisir. Je préfère ça. Malheureusement, on va passer au main event. Et voilà. Là aussi, le résultat nous gâche un petit peu le plaisir, parce que le match n'est pas si mauvais que ça, hein, en soi. C'est pas le meilleur match de l'année, mais bon, franchement, moi, je m'attendais à pire. Ça a été quand même un bon petit combat qui a duré 27 minutes, mine de rien. Avec beaucoup de storytelling et beaucoup mené de bout en bout par Triple H. Roman Reigns a quand même réussi à exister pendant ce combat et il l'emporte à la fin après un spear sur Stephanie qui a pas troublé du tout Triple H. Ça m'a un petit peu gêné dans le booking du match. T'as l'impression que Triple H il s'en fout un petit peu alors que c'est quand même la mère de ses gosses, quoi. Et ça me gêne vachement. Moi qui suis le seul papa de Wrestles Radio, ça m'a gêné. Pour tout vous dire, même quand je l'ai regardé, il y avait ma femme à côté, et je lui ai dit, ça me paraît incroyable que le mec, il s'occupe pas de la santé de sa femme qui vient de se prendre quelque chose qui est codifié comme le move un des plus destructeurs de la fédération en ce moment. Enfin voilà, c'était ma petite aparté du match. Donc on va laisser, Thierry commencer là-dessus. Oui, je suis assez mitigé pour ce match parce que c'est vrai que c'est pas un match de merde. Hein. Le résultat pour moi, c'était pas une surprise, hein, puisque pour moi, Roman Reigns était prédéfini pour devenir champion depuis pas mal de temps. L'entrée de Triple H qui est juste énorme, hein, comme chaque année à WrestleMania. Peut-être aussi mieux que l'année dernière, hein, où c'est vrai qu'avec l'entrée version Terminator, alors qu'il faisait encore jour, ça le faisait un petit peu moins. Mais le match dans l'ensemble, je vous avoue aussi qu'en le regardant en direct, j'étais un petit peu claqué vers la fin du show et j'avais un peu de mal à le suivre. Peut-être parce que je m'attendais à ce résultat. Mais le match dans l'ensemble, de ce que j'ai vu, il n'était pas énorme, mais il n'était pas non plus très mauvais. Donc voilà, Triple H est fidèle à lui-même. Roman Reigns, aussi le spear de sur Stephanie McMahon, ben c'est vrai que c'est un petit peu révélé la fouille et la foule pardon et moi compris, mais après ça m'a pas forcément choqué l'attitude de Chipotle, parce que c'est vrai que Stephanie McMahon c'est pas non plus une femme qui est fleur bleue, quoi. Je veux dire, elle a déjà fait des matchs, elle a un peu entraîné pour encaisser des coups. Donc, t'as pas un spire de Roman Reigns. Oui, mais après, c'est vrai que Triple H a peut-être pensé que ça lui aurait coûté, justement, ça lui aurait permis de gagner le match grâce à cette distraction, mais ce n'est pas le cas, donc voilà. Mais j'attends d'avoir votre avis, parce que c'est vrai que moi, je suis assez mitigé là-dessus, sur ce main event. Alors, Renaud, il a toujours un avis tranché. Comme ça, Brosty pourra dire « je suis d'accord avec Renaud ». Donc, on a un dernier Brosty. Inspire de Roman Reigns sur Stephanie McMahon lors d'un Raw, Triple H pète un câble. Et inspire, là, à la fin d'un match important pour le titre de la WWE, Triple H, il est dans son rôle, dans son match. Donc, il n'y a pas du tout la même... Il n'y a pas du tout le même scénario, quoi. Il n'est pas du tout dans la même perspective de l'aboutissement de la chose, si j'ai envie de dire. Donc après, moi, je vais vous rejoindre, les gars, parce que franchement, j'en vois un peu là sur certains sites, certains forums qui sont totalement dégoûtés du match, que c'est un match catastrophique et tout le tralala. Moi, je trouve pas. Je trouve que faut pas exagérer, le match est quand même bon. Ouais, franchement, je trouve que le match, faut arrêter, quoi. Ça, c'est de l'anti-Roman Reigns, je pense. Si c'est Seth Rollins qui fait exactement le même match que Roman Reigns, on crie au génie, quoi, presque. Alors, non, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr, mais moi, je te rejoins totalement sur ce sujet-là. À un moment donné, il faut arrêter aussi, à un moment donné, d'être comme ça. Tu vois, j'ai un truc, moi. Je suis pas un grand fan de Roman Reigns. Pardon. Voilà, je l'avoue. J'aime pas le fait qu'on nous l'enfonce de force un peu dans la gorge. Ça me gêne. Mais quand il fait un suicide dive comme à Raw, là, le dernier Raw avant WrestleMania, et qui se fait quand même muer, alors que franchement, il est magnifique son suicide dive, il n'y a pas à dire. Franchement, un truc de malade, c'est clair. Et le mec, il se fait huer alors qu'il fait un magnifique move très bien porté, très bien exécuté, qui sort de l'ordinaire et qui est incroyable. Bah, tu te dis, bah, malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui, à part un heel turn lors de Raw post-WrestleMania. Il n'y a rien pour lui. Quoi, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il se fera acclamer en heel, c'est ça qui est con. Enfin, c'est très spécial. Hein. C'est les fans d'aujourd'hui. Regarde aussi, le Shield, les fans qui se révoltent. Était... Hein. Attends, quand il était dans le Shield au début, donc tout le monde savait que Seth Rollins et Dean Ambrose avaient les épaules pour avoir des persos en individuel. On avait des doutes sur Roman Reigns. Et Roman Reigns, au fil du temps avec le Shield, quand ils étaient vraiment top heel de la fédération, c'était vraiment la révélation, quoi. Et tout le monde bandait sur lui. Et là, maintenant qu'il est face et qu'on essaye d'en faire pas le Cena 2, parce qu'il ne faut pas exagérer, il a un bagage plus important que Cena, je trouve, à ses débuts. Mais voilà, moi, ça me gêne un petit peu l'acharnement contre lui. Ouais, je suis d'accord avec Benito. Je suis totalement d'accord. Et pourtant, c'est vraiment pas un catcheur que j'apprécie trop. Non, à la base, pareil, hein, moi aussi, attention, je suis pas un fan. Je veux dire, je suis pas un fan de Roman Reigns. Après, il est pas mauvais dans le selling. Et en fait, il est pas mauvais partout. Donc il est assez complet, mais il a des prises qui sont quand même assez dévastatrices. Il dégage un sentiment de puissance. Oui, c'est ça. Et il dégage aussi un sentiment de sympathie, faut dire ce qui est. Il a l'air cool, ce mec-là, tu vois. Mais voilà, après, dans le selling, il a peut-être un peu de boulot encore, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans. Hein, mais... Enfin voilà, mon ressenti. Renaud. Oui, ouais, ouais, non, bah après je vous rejoins. Hein. Donc c'est très très classique, hein, bien sûr. Il n'y a rien de transcendant. Je trouve qu'ils font tous les deux le boulot, chacun à leur manière. C'est un combat où le heel domine le face revient de temps en temps avec des prises avec pas mal d'impact, comme Roman Reigns sait le faire. Il y a un bon brise nuque à l'extérieur où Roman Reigns est couché sur une table de commentateur et Triple H porte un swinging neck breaker à l'extérieur qui est franchement cool. Donc ça j'ai trouvé ça bien. Et ce spear sur Stéphanie quand même, mine de rien. Franchement, Stéphanie, enfin voilà quoi. Elle prend un spear assez énorme. Voilà. Donc, elle a amené ses couilles. Hein. Ouais, franchement, elle était en mode mille. Déjà, la présentation de Triple H, Thierry, on a parlé vite fait. Sa présentation là au-dessus, en genre maîtresse Domina. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était vraiment cool, franchement. C'était. Elle était bien. Les genres de zombies avec tout le monde portait la ceinture. Non, franchement, c'était une super entrée. Quoi. Et je suis hyper déçu de l'entrée de Roman Reigns, par contre. Ah oui. Bah, c'est l'entrée basique. Hein. Non, mais ils ont voulu faire le point dans ah, le ils ont sol fait un plan d'en haut, qui ils ont fait un déclenche un plan, truc de ouais. fou, mais tout était en retard, donc c'était vachement raté, quoi, en fait. Donc, bon, Brousti, à toi. T'es d'accord avec qui, finalement? Je sais pas parce qu'au départ, j'avoue que je suis plutôt, comment on dit, mauvais esprit, je dirais, plus dans la mouvance générale des fans. Parce que comme je le disais dans le chat quand j'étais en train de regarder le match, parce que j'ai vu un petit peu au dernier moment à WrestleMania, ben, j'étais assez critique vis-à-vis de Roman Reigns sur la première moitié du combat, parce que je me suis fait avoir le fait qu'il soit autant dominé par Triple H à la première moitié. Ben voilà, je me suis dit, putain, ça y est, il fait encore chier. Donc voilà, c'est. Pourtant, au départ, j'ai rien contre lui, mais je me fais avoir, c'est absolument incroyable. C'est le fait voilà, qu'il soit autant détesté par 70 000 personnes sur les 100 000, enfin, c'est quand même assez fou ça. Mais... Je dirais plus c'est 85 000 là. Ouais, il y avait quand même un moment, il y a quand même eu un bon gros Let's Go Roman. Et donc, bon, après, c'était réprimé par le gros sifflet aussi, mais voilà. Ouais, c'était du, ouais, du 3 quarts, bon, allez, du. Ouais. Enfin bon, bref. Mais voilà, mais selon la police, mais pas selon les manifestants, oui. Nous, on était à l'extérieur, donc on n'a pas trop C'est vrai, ouais. entendu, Ah, ouais. Fournir sac de mais. couchage, c'était pas évident. Mais non, voilà, après, la deuxième moitié, par contre, est plus qu'intéressante. Il y a quand même beaucoup de rythme et pas mal d'intensité. Après, je relève le même move que Renault a relevé là de Triple H. Le Swinging Neckbreaker est très beau, c'est vrai. Et l'enchaînement au final avec les finishers n'est pas gênant du tout. Avec les kick-out et puis ça peut gêner parfois, mais là, non, pas du tout. Surtout que ça s'enchaîne bien et puis ça fait une histoire. Et puis, mine de rien. Je me suis pas rendu compte du temps qui passait, c'est assez choquant. Après, c'est pas un match exceptionnel, et c'est vrai que j'ai l'impression de raconter un match Non, exceptionnel. mais c'est Mais voilà. ceci dit, ça reste Ouais, plus ouais. récent, et c'est un peu comme l'année dernière, et presque. Roman Reigns arrive à WrestleMania, tout le monde lui jette la pierre et dit qu'il va être pitoyable, et à l'arrivée, il arrive à tenir la comparaison déjà l'année dernière. Donc c'était différent le contexte, mais il n'avait pas été tâche l'année dernière. Donc là, c'est un peu pareil, dans un autre genre, évidemment. Juste à la fin, quand même, moi jusqu'au dernier moment, j'espérais que Seth Rollins allait intervenir. Je suis fou, mais voilà, le gars. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un vienne sauver ce pauvre Roman Reigns qui se faisait huer de tous les côtés, mais Ah oui, non, Seth Rollins, en fait, non. Face Turn aussi, ça aurait été possible, après tout. Mais bon, on va voir. Non, mais quand je dis vienne sauver, c'est que la tension soit portée sur quelqu'un d'autre à la Ah fin, mais oui. non, ils n'ont pas fait ce choix-là. Mais par contre, ils ont vite coupé après, tu vois, souvent quand il y a un nouveau champion face qui est censé être. Le top face de la fédération, t'as les confettis, t'as, tu vois. Là, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Il y a eu un petit feu d'artifice. J'ai Ouais, l'impression c'est qu'ils vrai. nous ont pas... J'ai l'impression qu'ils C'est nous ont vrai. passé 6 ou 7 fois le même pendant la soirée. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu Mais de grande célébration. d'ailleurs, Brousty, tu disais que tu étais un peu fou parce que tu parlais de. Tu imaginais un retour de Seth Rollins. Mais moi, j'imaginais encore plus fou que ça. Moi, j'imaginais, et c'est vrai que ça aurait été pas mal, un turn pendant le match des deux Ah oui. catcheurs. Alors c'est vrai que c'était complètement fantaisiste, hein. Mais quitte à ce que Roman Reigns se fasse autant huer. Pourquoi pas lui avoir carrément lui faire faire un turn pendant le match et inverser les rôles quoi. C'est une idée intéressante, hein. C'est vrai que c'est assez rare, hein, ce genre Moi de match-là. j'étais comme Thierry, hein. Je pensais que ça allait se passer même à un moment. C'est Je assez pensais rare, que et c'est bien. honnêtement j'y ai pensé quand il y a eu le spear sur Stéphanie, j'ai dit bon bah ils le font. Genre Roman Reigns il va essayer d'en profiter pour gagner le match de façon un peu salace. Et du coup, ça va faire un double turn. Et en fait, non, ils sont pas allés sur ce terrain-là, quoi. Non, non, non, non. Mais je pensais que le spear sur Stéphanie servirait à un double turn, justement. Enfin, un triple turn, du coup, parce Oula, qu'elle j'ai aurait perdu là. tourné Là, le face Big Show aussi. est mauvais dans ta Ah oui, phrase. non, mais bah, Stéphanie, elle serait pas restée heel avec son mari face, quoi. C'était pas juste pas possible. Ça aurait été classe. Ça aurait été classe. Remarque, ils l'ont déjà fait, hein. John Cena qui est top face et Nikki top heel, par exemple. Pareil pour Brian qui était top face et Brie heel. Enfin voilà. Enfin là on parle des Bella dans le main event de WrestleMania. Merde ça On va pique quoi. bien. Alors il y a un move en dehors du Swinging Neckbreaker qui vous marque lors de ce match-là. Moi j'ai Le bien aimé le spear. spear à travers la barricade. Ouais, bah voilà. Qui était assez C'est ça. Ouais. intense. Ah, pareil. Il m'a rappelé un spear qu'il avait fait sur Big Show à Raw. Ah, bien sûr. Tu te rappelles? Ah, bien sûr. Qu'il part, bien sûr. Mais t'as l'impression qu'il vole sur 5 oh, mètres. Bah, c'est avant un truc, qu'il un fait truc Big de Show. malade. C'est un truc de fou. Là, il était beau, hein, le spear. On va passer aux notes, si vous le voulez bien. Et si vous le voulez pas, c'est pareil. On va commencer par Bruce Lee, parce que Bruce Lee, il a toujours beaucoup de choses à dire quand il donne une note. Donc, on t'écoute. 7, bonne qualité de match. Après, ouais, c'est plus le revers de certains résultats qui me fait enlever un demi-point, évidemment. Et je reste D'accord. sur ma ligne de conduite. Hein. Après, j'ai pas détesté globalement Non, non, très le booking, mais une moitié du booking m'a beaucoup surpris et pas forcément positivement parce que ça peut pas forcément bien rebondir pour la suite après, il faut voir. Voilà, c'était. bien. D'accord. Renault. 7,5. Assez 7,5, satisfait. d'accord. Assez satisfait du show dans son ensemble. Support assez sympa. Quelques points négatifs, quelques points positifs. Voilà, 7,5. Et les résultats n'ont pas influé sur ta note. Non, moi non. Qu'on le sache. Voilà, c'est ça. Thierry? Bah moi je vais lui mettre 5. Oh putain, non! Ah Parce putain, ah ouais, que sérieux? ouais, C'est ça. je Ah ouais, j'aurais suis aimé mettre désolé. 15 Non pour non non ça. non mais Ah c'est parce que ben, non, c'est con. c'est par rapport bah, non, pas par rapport au résultat, mais par rapport à certains matchs qui pour moi n'avaient rien à enfin le contenu d'un match n'avait rien à faire à WrestleMania. Je veux dire un pré-show qui est plus que vaseux, une battle royale quasi, enfin voilà, qui casse pas des briques. Pour moi, un WrestleMania, il doit être bon, vraiment bon, au moins les trois quarts. Là, il y a pas mal de matchs qui quand même étaient moyens. Brock Lesnar, Dean Ambrose, qui est un des matchs que j'attendais aussi beaucoup. Et qui ne remplit pas les termes du contrat. Les surprises comme Le Rock qui passe 10 minutes à mettre en feu son nom juste pour dire qu'il y a 101 000 personnes alors que Michael Cole aurait très bien pu le faire et nous faire croire qu'il va faire un match alors que finalement le match dure 6 secondes et John Cena qui arrive pour dire je suis là. Non, je pense qu'ils ont trop misé sur les WrestleMania moments et ce qui fait que même s'il y a eu de très matchs comme Shane McMahon et Jericho Edge Styles, pour moi ce n'est pas le meilleur WrestleMania. Donc je mets la moyenne parce que ouais, il y a eu quand même des points positifs, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas un des meilleurs WrestleMania que j'ai vu, quoi. Ouais, bah mine de rien, ça nous fait quand même une moyenne de 6,5. Si les résultats avaient été là, il y aurait eu une moyenne de 8,5. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc je vais passer à un truc que je fais depuis pas longtemps, mais que j'aime bien. Pour vous, le MVP de la soirée, Renault, par exemple. Oh, Shane McMahon. Shane. Ouais. C'est pas du tout un choix de marque, là. Hein. Non, j'aurais dit DP, sinon. C'est pas le choix du cœur, ouais, c'est ça. Non, ouais. Bruce Lee, pour toi, le Ouais, MVP de la soirée? tu mets un coup de pas quand même assez énorme, Roman Reigns quand même, allez, ça c'est mérité. D'accord. Pour toi, Thierry? Ah, Shane McMahon. Shane. Et pour moi, le MVP est une MVP, et c'est Sasha Banks, parce que j'ai bien aimé son match, même si elle n'a pas gagné. J'ai trouvé que c'est elle qui donnait le tempo du match féminin. Et j'aime beaucoup sa façon de catcher. Après la révélation de la soirée, pour vous, je sais pas, moi je mettrais bien Zack Ryder pour ma part, qui a fait un match très solide dans l'opener et qui en plus remporte le titre, un peu sorti de nulle part. Pour moi, c'est la révélation de la soirée. Renaud? Eric Rowan, non je déconne. Révélation de la soirée, je vais mettre Sasha Banks. C'est pas vraiment une D'accord. révélation, mais je veux dire au plus haut niveau, ça me fait Non, plaisir de non, l'avoir. mais Voilà. je comprends. Non mais je l'avais déjà vu, je veux dire, mais là d'avoir WrestleMania performé comme ça m'a fait très plaisir. Donc ouais, Sasha Banks. D'accord, révélation. Bah, Toi, je vais Bruce Lee? pareil que toi, Benito, ouais, Zack Ryder, parce que revenir d'aussi loin comme ça, c'est chapeau. Voilà. D'accord. Et toi, Thierry? Et je vous rejoins aussi pour Zack Ryder. D'accord. Trois Zack Ryder et une Sasha Banks. Et on va passer donc au boulet de la soirée. Alors, pour ma part, le boulet de la soirée, c'est Rousseff. Parce qu'il enchaîne les mauvaises performances avec la League of Nations. T'as l'impression qu'il n'est pas à sa place. Et ça fait un an depuis qu'il a mis des bottes qu'il est ridicule, je trouve, dans le ring. Il perd. Il a un mauvais selling. Il a une mauvaise attitude, je trouve. Il fait un peu, je sais pas comment dire. Il fait un peu cartoon alors que son personnage est tout sauf cartoon et ça me gêne. Renaud, toi? Je vais dire pareil que toi. Merci hein, d'être passé avant moi, mais c'est vrai. Non, franchement, je vais dire pareil que toi. C'est vrai que sur le constat comme ça de la soirée, s'il y a un boulet à sortir, je vais quand même mettre Rousseff pour son personnage actuellement. Il est au fond du trou. Il va vraiment falloir qu'il travaille avec lui. Je pense qu'il a vraiment besoin de Lana de manière urgente. Oui, complètement. Et pour toi, Thierry? Moi, je vais rester sur le pré-show avec le match de championnat États-Unis qui, pour moi, était le moins bon de tous. C'est Ryback qui Ouais, m'a mais un peu Ryback, il a gêné une dans place de sa. boulet de l'année, on n'a pas le droit de l'utiliser. Oui, bah oui, C'est trop bah facile. justement. Et il tient Mais sa streak, hein. pour moi. Oui, Ouais, non, bah mais ouais, d'autant plus je qu'ils l'ont comprends, mis mais dans le bon, c'est match. trop facile de dire Ryback. Ouais, mais ils ont prévu de Non, mais lui en faire fait, moi, faire tu vois, je pars du finir. principe que le boulet, c'est quand même un mec qui a un potentiel qui nous déçoit. Tandis que Ryback, il n'a pas de potentiel, donc il n'est pas décevant, quoi, tu vois. Il est à son triste niveau toute l'année. Et Mais après, je bon, bah, respecte si le je peux choix, hein, pas. c'est Ryback, hein. Bah, sinon, si je peux pas prendre Ryback, c'est clair que je vous rejoins sur Rousseff, hein, ça c'est clair. Hein. Et toi, Moi, je vais Broustier? prendre Baron Corbin parce que ses débuts à NXT étaient prometteurs et puis depuis, il ne fout plus rien et puis on lui donne carrément un moment à WrestleMania et ça me gonfle. C'est tout. Bon, ça, en gros, c'est plus le booker qui a choisi de faire gagner Baron Corbin, Limite, ouais. le boulet, que Baron Corbin lui-même. Bah On est après, il n'a pas d'accord? besoin de faire grand-chose aussi dans Battle Royale pour gagner, il faut dire. Bref. Bon, les amis, merci de nous avoir suivis. Un pod qui a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude, mais c'était, comme dirait Renaud, WrestleMania, baby. Donc, on vous attend pour un catch-moi si tu peux dans pas longtemps. On espère faire ça pour analyser de façon assez rapide le Raw post-WrestleMania, qui est pour moi, ça devient un peu bizarre parce que pour moi, WrestleMania est presque devenu un teaser pour le Raw du lendemain. Et ça me gêne un petit peu, ça aussi je voulais en parler, mais on en parlera peut-être dans le catch, moi si tu peux. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée si vous nous écoutez le matin en faisant votre jogging. Et un bon courage si vous allez bosser. En tout cas, je souhaite à Wrestles Radio d'être encore plus écouté que jamais. On a eu franchement honnêtement, hein, je vais mettre carte sur table avec vous. On a eu une sale période où tout ce qu'on a tenté, on l'a raté. Mais là, voilà, on a décidé de revenir plus fort que jamais. Donc, on est à l'écoute de vos suggestions. Si vous avez des choses à nous dire, franchement, on a vraiment envie de connaître votre sentiment sur nos pods depuis quelques temps. Et si vous pensez qu'il faut virer Broustille comme nous tous, lancez un hashtag vire Broustille et on le fera avec Oui, que plaisir. Vincent bosse En tout encore cas, bonne toute l'année, soirée, il les n'y a pas gars. de souci. En tout cas, bonne soirée, les gars. Merci d'avoir veillé si tard pour faire ça. Et sinon, le Raw post-WrestleMania a commencé depuis 11 minutes. Très bien. Bon, mais merci à tout le monde. Et puis, c'était sympa toujours, comme d'habitude. Voilà. Salut les amis. Salut, salut. Ouais. C'était un plaisir. À plus. Moi, j'ai croisé Ro Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, hey, coach, écoute Wrestles Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi, fais-le aussi. Écoute Wrestles Radio.